Voilà. Bah, c'est possible, ouais, Kevin. Je mange beaucoup de moutarde aussi, je sais pas si c'est dû à ça, quoi. Bah, non, mais du tout, mais si tu prends des produits irritants et que tu as en plus une inflammation anale et périanale autour de l'anus, bien évidemment que ces produits-là vont générer, au passage des selles, une douleur. Voilà. Attends, okay. Parce que j'ai l'impression que Guillaume a l'air totalement captivé par ce sujet. Toi aussi, t'as des croûtes au cul, Guillaume ? Ouais, tout le temps, moi. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, je me posais. Non, ah, mais ça casse le mythe. Non, mais tu peux pas dire mais ça. Mais non, Guillaume. Ah non, mais évidemment que non. Ah, voilà, ah, voilà. Voilà. On récupère notre Guillaume, notre beau gosse du standard, bordel, sans déconner. Merci, Kevin. Merci. Eh ben, alors, tu vas vite voir le médecin. Ouais, bon. Moi, je te ferai pas d'ordonnance comme ça. Ah, bon courage, hein. Merci à vous et à Paco Vinson. Oui. Ah, ouais, bah, je suis Paco Vinson. Ouais. Bah oui. Ça marche. On peut servir, hein. On te l'envoie, Kevin. Salut à toi. Merci. Ciao, ciao. J'ai remercié l'autre auditeur du soir. 14 ans de peau. Salut. Toujours. Oh bah, ça va, on se connaît maintenant. Ah, Damien, t'es là depuis 20h. Alors. Et Damien, ouais. Il nous reste une minute. Tu veux devenir animateur radio? Ouais, et je veux aussi savoir ton pseudo World of Warcraft. Ok. Il veut mon gamer tag, enfin mon Battle.net, tout le monde s'en fout. Je te le donnerai en antenne, d'accord ? Ça marche. Moi, ce que je te propose, c'est de faire une intro en direct sur Fun Radio. C'est-à-dire ? Dans toute la France. Tu vas faire une intro comme font tous les animateurs de Fun. Putain, ils écoutent pas souvent Fun, quoi. Eh bah, il va falloir t'y mettre, mon pote, hein, sans déconner. Ok, c'est bien. Allez, t'es prêt ? Vas-y. Fais-moi une intro. Allez, je te mets une intro, tu vas parler sur Coldplay. C'est parti. Coldplay ? Ouais. Et salut tout le monde, c'est Coldplay sur Fun Radio, le meilleur titre du monde entier. Il y a du boulot, il y a les filles qui nous écoutent, tu vas faire le lien avec les filles. Voilà, on te laisse tout seul avec les filles. Là. Tu vas annoncer Marion et Anso le night. Vas-y, allez, vas-y. Merci Damien. Hey, salut, c'est Marion Yenso. Le mec, il a rien compris. Non, il faut que tu leur dises bonjour. C'est lui Coldplay. Ouais, je crois qu'il est pas prêt d'être un. Bonjour Marion, bonjour Yenso. Salut Bichon. Salut Bichon, mais je crois que tu nous entends pas, toi. Hein. Eh oui. Ah oui, c'est vrai. Merde. Les studios ne sont pas connectés. Oh, c'est quoi ces studios? Oh là là là. Je te fais une grosse bise, mon Damien. Ouais, merci Damien. Ouais, et pense. Et j'attends toujours ton gamertag. Ouais. Et je vais te le filer. Il ne le filera jamais. Il le file jamais à personne. C'est pas vrai. Alors, putain, tu sais quoi, je vais même le balancer. Je vais même le balancer à l'antenne parce que toi qui es en train de me faire passer pour super connard. Vas-y. Alors que mon Battle.net pour jouer avec moi, c'est Oliro Diez 2136. Okay. Voilà, ça y est, vous voyez comment je lui ai fait cracher parce que tous les autres bons étaient pris, c'est Oliro Diez 2136. Voilà. Oliro Diez. Non, Oliro. Oliro. Oliro. Ouais, c'est parce que quand j'étais artiste, j'avais un nom chelou. C'est Oliro. C'était le dernier qui restait. Voilà, c'est ça. Diez 2136. Allez, tu nous emmerdes maintenant. Salut tout le monde, va jouer avec toi. Bonsoir les filles. Très bien. Salut. Donc, t'as pas un peu la voix cassée? Si, si, mais arrête. Je sais pas ce qu'il a fait la nuit passée. Écoute le rire. Il n'y a pas de danger. Ça, c'est le rire de Karel pendant l'émission ce soir. Ah oui, d'accord. Mais c'est Anso, elle arrêtait pas de me smaquer, elle avait mal à la gorge. Voilà, tu vois. C'est vrai qu'en début de semaine, j'étais pas bien, j'ai l'impression que j'ai refourgué ma crève à tout le monde. Non, comme par hasard, non. Juste à Karel. Juste à Karel, je suis d'accord avec Marion. C'est Marion, moi, oui. Et alors avec ça, Marion, oui. Ça regarde personne ce qui se passe entre Anso et moi. Tu sais quoi, je partagerai tout avec toi, Karel. Oh. Bah, vous avez tout partagé, les microbes en particulier. Et pas que. Ah bah. On se retrouve demain à partir de 20h sur Fun Radio et on vous laisse avec les filles, bonne émission. À demain. Salut les filles, ciao. Elles sont parmi nous. Le monde entier en parle. Ces deux filles sont folles. Rendez-vous compte, elles portent des franges. Marion la Brune a un don incroyable. Elle invente des mots. Ah bah, je vais te dire en carbone. Anso la blonde est seule et vit avec un chat. Les Mayas l'avaient prédit. Hola, je suis Maya et j'avais prédit Mario et Anso. Tous les soirs, sur Fun Radio, elles sont contentes d'être là. Est-ce qu'on est content d'être là? Et on est content d'être là! Et por favor, si on est Maya, est-ce qu'on peut être aussi un beau? Tous les soirs, 22h minuit. Welcome to the night. Marion et Anso, The Night Show, sur Fun Radio. Salut les beurs, bienvenue sur Fun Radio, il est 22h02, c'est Marion et Anso, le Night Show. Et je vous le dis sincèrement, c'est un kiff de vous retrouver encore là ce soir. On est content, on est en forme, on a passé une journée de malade avec Anso. Ouais, franchement, c'était cool. On a fait plein de trucs. On a vu Gims déjà. Alors, on est les deux seules meufs au monde à avoir maître Gims, à kiffer le gars, mais à ne pas faire de photos avec lui en fait. On n'a pas osé parce qu'il était occupé et tout, mais c'était bien sympa. On a pu lui parler et tout avec JB tout à l'heure. Je pense qu'il va y avoir de la vidéo à retrouver très bientôt là sur funradio.fr. À mon avis. Ouais, il a fait des lives qui étaient canon. Et puis, on a préparé pour vous l'opération Bahut de demain, puisque demain, ça y est, nous allons aller chercher Théo. Ouais. Théo, il habite Vincennes, son bahut est là-bas d'ailleurs, et on va le récupérer à la fin des cours à 16h. On va faire plein d'activités, on va se marrer, le tout encore une fois filmé pour la chaîne YouTube. Bref, gros programme demain. Si vous connaissez d'ailleurs, le lycée s'appelle le lycée privé Grégor Mandel. Voilà, oui. Ce sera là-bas, on y sera demain après-midi avec toute l'équipe du Night Show. Bah c'est vrai, si vous voulez venir devant, on sera là-bas, on aura du cadeau, donc allez-y hein. Mais ouais, comme si on s'était une bavette. Une bavette à 16h. Tiens les mots. Bon, ce soir en tout cas, vous allez gagner votre PC portable dans le Wesh C'est Qui. Il suffit de faire deviner minimum 4 stars sur une liste de 6 à papa ou maman pour gagner. Il y aura aussi le Je te demande pardon et puis on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. Est-ce qu'il est possible de rester ami avec son ex ou pas? Ah oui, alors et moi j'ai la réponse. Eh ben on va le découvrir ce soir, on va parler des traditions les plus ouf du monde aussi. On vous a trouvé un truc énorme avec Marion. 01 42 48 5000, vous nous appelez à ce numéro, c'est gratuit et on fait de la radio ensemble jusqu'à minuit. Tu vois, je le sens là. Ça sent la bonne émission. Ça sent la marade. Niveau son, on va s'écouter Calvin Harris tout à l'heure. Le tout nouveau. Découvert sur Fun Radio. J'adore. Moi aussi. Mais cette voix-là, elle rend ouf. On aura aussi Souf. Mea culpa. Qui veut dire c'est ma faute, je m'excuse, je me coule pas quoi. Hein. Alors en tout cas, on a eu un gros débat hors antenne juste avant l'émission. Sachez que Yannick du Standard nous a dit que c'était du latin. Merci oui. Yannick, parce qu'on était trop connes pour pas savoir que c'était du latin. Oui, hein. Parce que culpa, culpabilité peut-être. Hein, voilà, petit lien. Et Mea qui vient du de Kamehameha, Dragon Ball Z. N'importe quoi. Bonsoir Amir des réseaux sociaux. Bonsoir les filles. Est-ce que vous allez bien? Très oui. Bien. Eh ben moi aussi. Bah écoute, ça nous fait un point commun. Non mais j'ai croisé Maître Gims. Bah oui. Et du coup, je suis hyper content. Mais je sais pas, il y a un truc qui est quand même extraordinaire avec ce mec. C'est qu'il soit sur scène ou en studio, il t'emmène quoi. Le mec, ouais. Il te transporte. Bah le charisme, ouais. Hein, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire qu'il a tellement son univers et même dans sa dégaine, tu sais, il impressionne. Mais je crois que les lunettes de soleil, ils sont pour beaucoup aussi. Hein. Ils sont pour beaucoup. Par contre, il a mis un petit truc, une espèce de petite banane sur sa ceinture. Ah bon? Ouais, faut lui dire qu'il recommence pas. Attends, il avait une banane sur sa ceinture? Ouais, il avait une petite banane avec un bonhomme et des cheveux. Arrête! Ouais, j'avais envie de. Hey, pendant son live, je voulais aller le voir. Écoute, Muggy, non? Ouais, bah mais ouais. Tu vois, en fait, c'est on en avait déjà parlé dans cette émission. C'est les moments où t'as envie d'aller dire quelque chose à quelqu'un, mais en fait, t'as pas. Mais je me suis dit, bon, c'est un artiste, donc effectivement, il est suivi. Mais ça fallait pas le faire. Ah d'accord. Ouais, non, la banane, effectivement, on valide pas si jamais il nous écoute. Hein. Merci Christina Cordula. Bon, Amir, vous le retrouvez sur tous les réseaux, Marion et Anso. Continuez là à nous faire grimper sur les réseaux, c'est cool. Ouais, ça monte partout, bien ouais. Sur Twitter, Facebook et surtout sur la chaîne YouTube. Ouais. On arrive bientôt aux 120 000, c'est un kiff. Ouais, les 120 000, ça approche et. Il va se passer plein de choses hein, sur YouTube. Arrête de faire le mytho. C'est sympa. Hein. Ouais, alors, par contre, sans tout vous révéler, il va se passer des choses. On vous prépare des petits trucs. Voilà, si je vous dis Justin Bieber, ça vous dit rien pour l'instant, mais vous verrez demain. Alors là, jette un pavé dans la mare, hein, si je peux me permettre. Ah bah. Bonsoir Thibaut à l'aria. Coucou les filles. Ça va toi? Ouais, ça va. Alors, je sais qu'il nous a préparé quelque chose ce soir. Il est très fier et il nous a dit, les filles, je vous ai fait un poème. Alors, Thibaut, nous t'écoutons. Ouais, sur le très fier, je me suis peut-être un peu emballé, en fait. Hein. Bah, vas-y. Non, vas-y. Mais vous savez quoi? Il faut faire attention, c'est un poème en rime croisée. D'accord. Commence. Quand je suis loin de vous, je manque d'amour. Quand je suis près de vous, je vous fais la cour. Vous êtes trop chou, vous êtes glamour. Voilà. C'est tout? Oh non! Mais t'as vraiment pas bossé quoi! Mais c'est nul! Il a marqué poème sur Google, c'est sûr! Non, mais j'ai écrit! Vous êtes trop chou, vous êtes glamour! Attends, non, mais même poème sur Google, franchement t'as mieux que ça quoi! Ah oui, non, mais il a pris premier lien dans poème dans Google! Et... Non, c'est moi qui l'ai écrit! Tu files un mauvais coton! Ah, je sens que là, ouais! Ouais, faut se reprendre mon pote! Moi, je vais me reprendre! Bonsoir Enzo du Standard! Bonsoir tout le monde! Ça va toi? Ouais, ça va, je suis très content d'être avec vous ce soir! Oh, bah comme tous les soirs. Bah oui, c'est vrai, mais il y a des jours sans et des jours avec. D'accord. J'espère, ouais. Ouais, j'espère, ouais. Présente-nous le premier auditeur de ce soir, Bichon, s'il te plaît. Alors, c'est Louis. Il a 16 ans, il habite à Lille et vraiment, il se passe un truc de ouf parce qu'il vient nous appeler en direct du Standard et il est en train de faire un truc de fifou, là. D'accord. De fifou? Ouais, en ce moment même. Ouais. D'accord. Bonsoir, Louis, le fifou. Salut Mario Anto, salut toute l'équipe, vous allez bien? Oui, ça va et toi? Oh, plutôt cool. Ça va. Mais en fait, j'ai appelé le Standard il y a 5 minutes en fait. parce que là, je suis en train de faire un truc de ouf. Et j'ai envie de le partager avec vous. Ah. Bah, dis-nous. En fait, là, je suis au lycée en internat à Lille. Et en fait, depuis la rentrée, j'ai une copine, elle s'appelle Jeanne. Et en fait, ce soir, j'ai décidé d'aller la rejoindre dans sa chambre, en fait. Mais genre là, je suis pas bien. Ah, donc là, t'es avec elle? Non, je suis pas avec elle, en fait. Là, je suis cassé dans une armoire. Et en fait, dès que les pions, ils finissent leur ronde, je vais la voir vers 22h30. Explique-nous, Louis, comment ça se passe, parce qu'il y a deux internats, avec un internat de filles et un internat de garçons, et c'est loin. C'est ça. Bah, en fait, je suis allé me cacher vers 21h, et là j'attends dans une armoire, et j'attends que leur ronde se finisse et tout. Ah, c'est drôle. Genre, mec, ça fait 1h10 que t'es dans une armoire. Ouais, c'est pour ça que je vous appelais, je me faisais chier. Mais c'est génial. Et du coup, tu vas dormir avec elle ou pas? Bah, en fait, je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas déjà si je vais pas me faire choper par les pions. J'espère pas. Parce que. Attendez, ce qu'on va faire, Louis, c'est que. Il faut pas que tu te fasses pécho avec la nana. Déjà, c'est clair. Mais si déjà le pion te chope dans cette armoire, qu'est-ce qu'on peut trouver comme excuse? Ah oui. Pourquoi il est dans cette armoire? Il a eu peur. Il n'y a pas grand-chose. Non, je sais. Quelqu'un t'a enfermé, t'es un gros bisu. Et en fait, voilà, il y a des potes comme ça, ils t'ont mis là-dedans. Et t'es malheureux, tu pleures et tout, quoi. Ouais, mais bon, je suis quand même dans l'internat fille, quoi, j'ai pas le droit. Bah oui, c'est les potes justement, ils t'ont balancé là-dedans. Ouais, ça c'est pas bête. Et par contre, tu fais gaffe, tu fais pas n'importe quoi avec ta copine, hein? Non, tu fais pas n'importe quoi et surtout tu nous tiens au courant, moi je veux savoir si t'as réussi ou pas, ok? Bah ouais, y'a pas de soucis, je te tiens au courant. Et des capotes, hein, si vous faites n'importe quoi quand même, Louis. Ouais, oh putain. Non. Il est stressé. Ça passe. Ça aurait été tellement génial qu'il se fasse griller en direct avec le pion, quoi. Ouais. Ça a été magnifique. Bon, et tu sais quoi, Louis, n'hésite pas à nous rappeler pour nous dire comment ça se passe tout ça, d'accord? Ça marche. Allez, on t'embrasse. Bisous, Louis. Bisous. Mais attends, tu t'es déjà mis dans une armoire comme ça pour faire une blague? Oh non, parce que tu sais, je suis quelqu'un de tout à fait normal. Alors que Amir aime beaucoup se mettre dans les armoires et faire le chat et surprendre les gens pendant qu'ils dorment. Quoi? Je te jure, il fait ça. Il l'a jamais fait en déloc ou quoi avec vous? Ah non, j'ai pas eu cette chance encore. C'est une passion pour lui, hein. Et un jour, quand j'avais 18 ans, j'étais parti je travaillais dans le sud et je me suis caché dans une boutique et on m'a enfermé dans une armoire et je faisais le chat. Et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, personne me répondait, ce qu'il y avait mon boss qui était là. C'est vrai, hein. Mais attends, fais juste le chat 2 secondes. Ah, c'est pas mal. Non, mais je te jure, c'est hyper impressionnant. Parfois, il a piégé des potes comme ça, mais c'était il flippait de ouf en pleine nuit. T'entends un chat, quoi. Tu m'étais caché dans la chambre d'une meuf et elle avait lâché une caisse. C'est vrai. Bah oui, tu crois que t'es tout seul. Du coup, après, je voulais plus sortir. Bah oui. Je me suis dit, Nick, je fais ma nuit ici. Le moment le plus gênant de la Terre. La pauvre. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, une équipe de gens qui ont un très très haut niveau. Ouais. Un niveau imitation de chat surtout. Ouais. Restez avec nous, puisque dans un instant sur Fun Radio, on voulait parler d'un sujet qui me tient à cœur. Oui. Oui, ça me tient à cœur, car on partage ça aussi dans l'émission. Ces chansons qui nous énervent. Il y en a tous des chansons qui nous agacent comme ça. Ah, je te confirme, j'en ai plein. Moi aussi, j'en ai deux énormes. Je vais vous les faire écouter dans un instant et venez les partager avec nous, les vôtres. 01 42 48 5000, on se retrouve après DJ Snake. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Give up.

Et si payer avec mon mobile me rapportait? Moi, avec Orange Cash, je peux payer avec mon téléphone. Bah moi, avec Orange Cash, en plus, j'ai plein de bons plans chez les commerçants. Et ben nickel, tu vas pouvoir m'inviter à manger, j'ai plus de batterie. T'inquiète, j'ai mon chargeur. Orange Cash, le geste mobile pour payer malin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions réservée aux abonnés Orange Mobile en France métropolitaine, détenteurs d'équipements compatibles. Compte de monnaie électronique géré par Wirecard Card Solutions Limited, autorisé par la Financial Conduct Authority sous le numéro 900-051 sous licence Visa Europe. Info sur orangecash.fr. Tous les soirs. Ready. 22h minuit. Marion et Anso. The Night Show. Sur Fun Radio. Et la question qu'on vous pose ce soir, c'est quelle est la musique qui vous tape le plus sur le système? La musique, genre, vous l'entendez, vous êtes pas bien, vous avez envie de crier, de pleurer, tout ça. Est-ce que je peux vous faire la mienne, l'équipe, ou pas? Ouais. Oui, vas-y, Marion. Ah oui. Moi, ça va parler à tout le monde, c'est celle de Disney, tu sais, la maison des poupées. Oh non, c'est pas possible. Oh non. Oh non, putain. Oh non, c'est un enfer. Ouais, ouais. Alors, je comprends très bien que quand t'es gosse, tu kiffes, tu vois, parce que c'est très mignon, c'est très féerique, mais moi, elle m'angoisse. Alors, surtout si vous n'êtes jamais allé à Disney, sachez que dans cette attraction, vous êtes dans un bateau et vous voyez que des poupées. Oui. Hein, habillées avec les costumes traditionnels des gens du monde entier. Donc, on peut résumer à ça quelque chose de très chiant. Surtout que cette musique est en boucle pendant toute l'attraction, voilà. Et ça dure très longtemps. Et alors, pour peu que tu l'aies fait en ton arrivée à Disney, toute ta journée, tu la passes avec ça. It's a small, small world. Ouais. Alors, l'avantage que j'ai, c'est que moi, cette musique, je l'entends rarement. Hein. Il faut que j'aille à Disney pour l'entendre, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc bon, mais c'est vrai que dès qu'on m'en parle, non, je suis pas bien, je suis chonchon. Mais là, je suis sûre qu'on va l'avoir, on va s'endormir avec, c'est sûr. Non, non, non, il y en a d'autres qui arrivent, tu vas voir. Bon, il y a Valentin du Havre qui nous a appelé. Bonsoir à toi, Valentuche. Ouais, ouais, ouais, salut les filles. Ça va, Val? Ça va et vous? Ouais, au top. Dis-nous, toi, mon pote, c'est quoi ta musique? Alors moi, les filles, je n'en peux plus. C'est la musique, quand j'étais petit, je l'entendais passer au Big Deal. C'est Cotton Eye Joe de Rednecks. Cette musique, elle est juste infernale. C'est la musique de western, là, de pseudo-western. Là. Ah, j'adore, moi. Moi aussi, j'adore. Ah non. Si, il y a une danse dans les mariages là-dessus. Ouais. J'adore, j'aime beaucoup. Dans les campings aussi. Eh ben c'est ça, à part les mariages et les campings, on a rarement l'occasion de l'entendre, cette chanson. En soirée, non? Mais Valentin, alors le Big Deal, hein, si vous connaissez pas le Big Deal, c'était une vieille émission de télé avec Vincent Lagaffe et un extraterrestre. Ouais, me demandez pas pourquoi, c'est le concept de l'époque. Ouais, mais alors moi, je connaissais pas cette musique dans le Big Deal, je la connaissais vraiment dans des soirées, quoi. Excusez-moi. Moi aussi. Je fais peut-être des soirées de beauf, mais. Mais si, dans des soirées, moi j'allais dans des bars boîtes à Nantes, des Tex-Mex, là. Ouais. Des soirées mexicaines. Bah, moi en camping, je la diffusais beaucoup. Hein. Ah oui, ça cartonne, ça. Ouais, ouais. Ah oh ouais, mais c'est affreux, c'est affreux. Moi je suis pas d'accord, je trouve ça festif, mais bon, je respecte. Et en fait, quand t'entends cette chanson là, t'es automatiquement obligé de faire une espèce de pas de danse à la. Bah oui, eh oui, en cow-boy quoi. En tout temps cow-boy, voilà. Bon, Valentin, on te la prend et détends-toi, mon pote, on t'a entendu, la France aussi. J'espère. Bisous Valentin. Bisous. Allez, bisous, à bientôt les filles, salut. Ciao. Salut. Alors celui qui a surpris tout le monde avec la musique énervante, c'est ouais. Amir. Ah ouais. Amir des réseaux sociaux. Je vous le dis, ne soyez pas choqués, on ne valide pas du tout. Quelle est la musique qui t'agace? Billie Jean, Michael Jackson. Non mais c'est pas possible ça. Je peux pas y croire. Mais surtout, Amir, regarde-moi. Comment tu fais pour ne pas aimer cette chanson? C'est culte. Bah, je sais pas, en fait je pense que quand j'étais petit, Michael Jackson me faisait vraiment flipper. Ouais. Du coup, bah, en fait, ça m'a dégoûté de toutes ces musiques. C'est vraiment le personnage qui te. C'est le personnage. Alors, ça a été le personnage, et après, c'était parce que tout le monde disait Michael Jackson, c'est un dieu, c'est un dieu, c'est un dieu. Et en fait, ça m'a saoulé de suivre tout le monde, alors j'ai lâché. Oui, Enzo, standard. Mais c'est quand même le seul gars, Michael Jackson, qui se touchait les couilles et qui se faisait applaudir. En plus. C'est vrai, en plus. Ouais, mais c'est franchement. Mais alors, moi, je comprends pas. Hein. C'est tellement fort les titres qu'il a fait, quoi. C'est une légende. C'est un mec talentueux, tout ce que vous voulez, ok. Mais par contre, sa musique, moi, je suis pas sensible. Voilà. D'accord. C'est pas ma préférée de Michael non plus. Oui, je l'appelle Michael. Ouais, je sais, mais tu vois, je me dis, Amir, entre Michael Jackson et la maison des poupées, bon, bah, il préfère écouter la maison des poupées. Ah ouais, ah, franchement, tu sais quoi, dans mon iPod, enfin, dans ma playlist, je pourrais écouter la maison, ouais, pourquoi pas. D'accord. Et tu sais quoi, je pourrais te mettre au défi de t'enfermer dans une pièce pendant 24 heures. Mais je pense que tu peux avoir des problèmes psychologiques. Hein. Ah oui, je pense. C'est drôle à faire. Sans blague, hein. Ouais. Ah, faut y penser quand même, hein. Ouais. Bon, on a Franck à La Roche-sur-Yon qui est avec nous. Bonsoir, Franck. Salut les filles, ça va? Oui, ça va et toi? Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là! Alors, c'est le plaisir. Alors, à moi, la musique qui me tape sur les nerfs, c'est le Poussin Pillou. Oh là là. Ouais. Tellement. Un. Ça a été à la mode il y a quoi? 3-4 ans. Ouais, je crois que ça a été à la mode une semaine. Hein. Bah, les mecs ont pris de l'argent, ils sont partis, ça y est. Ouais, mais moi je trouvais ça efficace, tu vois, con mais efficace. Il me semble que ça vient d'Italie, non, c'est ça? Ouais. Ils se sont fait un fric monstrueux avec ce titre. Ah, bien sûr, bah, regardez sur YouTube le nombre diffusé, de. Diffusé, hein. En radio. Ouais, ça a été diffusé en radio. N'importe quoi. Ah ouais, non. Francky, on est complètement d'accord. C'est abusé, cette musique. Ouais, abat le poussin pillou. Franck, on t'embrasse. Merci. Je vous embrasse aussi. Salut, bisous, les filles. Bisous. Salut. Thibaut Alaréa, est-ce que toi, tu as une musique qui t'énerve? Ouais, moi, c'est Aqua Barbie Girl. Oh non! Je peux pas te laisser ça. Franchement, c'est chiant. Bah, moi, je trouve que ça a pas trop mal vieilli. Ouais. Ah, moi j'aime bien, non, moi, je trouve ça tellement efficace. Écoute le gars au début. Barbie, let's go party. Allô? Oui. C'est vrai que le gars au début, t'as un peu envie de le gifler. C'est un peu années 90, mais bah bon. Oui. Bah, c'est complètement années 90. Oui, voilà, mais bon, ouais, non, moi j'aime bien, hein, je sais pas. Tu vois, là j'ai oublié de l'enlever, je peux plus. Enzo, toi, ta musique? Ouais, moi c'est la Macarena. Ah bon? Ouais, je déteste ça. Oh, c'est énorme la Macarena. La Macarena, c'est quand même la seule musique où tout le monde connaît la choré, mais personne n'a jamais su ce qu'il disait dans les paroles. Ouais, c'est vrai. C'est, je suis incapable de dire de quoi ça Attends, parle. Attends, vas-y, mais plus fort, écoute. Moi, j'entends l'arato poil. Mais non, mais vous savez qui a inventé la choré de la Macarena? Oui, Mia Fry. Voilà, c'est tout. Il a cru qu'il allait nous apprendre un truc de ouf. Mais c'est vrai, moi, j'entends l'arato poil. Bah écoute, on va chercher là sur Wikipédia les paroles de la Macarena. Ça marche. Il y a Tia qui nous a appelé de Pézenas. Bonsoir Tia. Salut Marion, salut Anto, salut toute l'équipe. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Je suis trop contente de vous avoir, ça fait trop bizarre. Je vous adore en fait, je vous écoute tous les soirs et tout. Ah, t'es trop mignonne. Comment tu nous as découvert toi? Une fois en fait je me faisais chier le soir et puis du coup j'ai allumé la radio et puis je suis tombée sur Fun Radio et comme il y avait des bonnes musiques j'ai écouté et puis il y avait vous. Oh bah voilà, tu vois c'est le combo, bonne musique, voilà, bonne équipe, bim on reste. Et là c'était le coup de foudre quoi. Dis c'est ça en chérie. Gros, vous savez, j'avais envie de me marier, non je rigole. c'est René la taupe. Ah alors ouais, là mais oh, j'ai envie de me suicider quoi à ce moment là. Alors. Non. C'est peut-être un peu excessif le suicide, mais j'entends bien que ça t'énerve. Peut-être. Non, mais les paroles les plus débiles du monde. Oui, c'est vrai. Oui, mais je crois que c'était le but aussi, hein, Tia. Mais ça aussi. Oui, hein. Oui, mais je sais, mais bon, quand même. Et en plus, on est d'accord que franchement, si on découpe un peu les paroles, t'es si mignon, mais gros. Et si cette putain de taupe, elle est hyper, hyper complexée, comment on fait? Non, mais c'est vrai. Un coup, on lui dit t'es mignon et un coup, on lui dit que t'es gros. Mais t'as vu que là aussi, ils se sont fait un fric monstre. Hein. Il y a eu des pubs télé, c'était abusé, quoi. C'était diffusé partout, il y a eu des sonneries de téléphone. Enfin, franchement, gros business. Ouais. Et le pire, c'est que la sonnerie, elle est payante, quoi. Ouais. Ah, bah oui, évidemment. Moi à l'époque j'aimais bien, maintenant bon bah voilà ça me paraît très lointain tout ça. Hein, mais maintenant on a grandi. Ouais. On est passé à autre chose. Tia, on t'embrasse ma chérie, merci de nous avoir appelé. Tu peux avoir un pack fun? Bien sûr, entre patient et costard. Bisous. Bisous. On a Morgane aussi de l'orgue. Bonsoir Morgane. Salut Marion, salut Anto. Ça va Morgane? Ça va et vous? Ouais, très bien. Et là, est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Allez, ça va. Dis-nous. Moi, j'aime bien les musiques qui sont passées. Hein. Surtout le Connemara, ils sont pas mal. Je suis d'accord avec toi. J'adore. Moi, par contre, la musique qui me gonfle, ça passe sur Canal J, c'était Bébé Charlie. Ah, c'est quoi ça déjà? Je sais plus. C'est qui a du caca collé au cucu. Ah oui. Ah non, j'avoue ça. Ah non. Elle met mal à l'aise celle-là. Mais attendez parce que Amir est en train de nous faire un remix qui est pas mal je trouve. Et ça où? Pas mal. Mais excusez-moi. C'est un pig, hein. On peut analyser les paroles. Qui a du caca? Kaki, donc la couleur kaki collé au cucu. Non mais le bébé elle est malade. Hein. Oui. C'est, il est pas bien le bébé quoi. Non mais ça a aucun sens quoi. Mais oui, mais en plus le bébé est malade et c'est assumé hein, parce que tu l'entends derrière faire des caca prout. Super, youpi. C'est quand même très très évolué. Hein. Super écœurant quoi. T'entends ça, t'as envie de vomir quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi Morgane. Voilà, horrible. On t'embrasse ma belle. Merci de nous avoir appelé. Merci, bonne soirée. On valide complètement ma belle. Amir, bisous. Je sais que je vais te prendre complètement au dépourvu, mais tu vas foncer sur les réseaux sociaux et nous dire s'il y a de la réaction avec le hashtag Le Night Show parce que tu es fort, tu es bon, tu es brillant. Ah, tu peux continuer encore. J'adore quand tu dis ce genre de choses sur moi. Tu sais ce que je peux faire? Oui. En attendant que tu cherches, je vais demander à Pépère s'il a une musique préférée ou pas. Pépère, t'es là? Oui, Pépère, lui, il a pas de chanson qu'il déteste, mais son chanteur préféré, c'est Jean-Luc Lahaye. Hein. Ouais, mais c'est un chanteur de vieux, ça, Pépère. Pourquoi tu l'aimes bien? Bah, parce qu'à l'époque, il m'emmenait faire les tournées des crèches et je peux pas dire qu'il en a bouffé des clients. Mais non! Avec Jean-Luc. Arrête. Avec Jean-Luc. Grâce à Pépère et Jean-Luc, t'en prends plein le huc. Oh. Oh merde. Bon, il est magique. Amir Bichon, t'es prêt ou pas? Bien sûr, hashtag de la Nature pour réagir. Alors, il y a Emma de Amorin qui dit Watch Me Nana. Vous connaissez? Ouais, j'adore. Ah, Watch Me Nana. Ouais. J'aime bien, moi. Moi aussi, je l'aime bien. Je sais pas pourquoi elle dit ça. Céline 57, Happy de Pharrell. Ah, celle-ci aussi. Non, moi, alors en fait, je pense que. Mais oui, parce qu'on l'a trop entendue, en fait. Oh, ouais, là, là, là, mais elle est à la base, elle est sortie, tout le monde était en kiff. C'est juste la lassitude, quoi. Ah, j'aime ouais, bien, moi. Je sais pas, bon. Ouais, ça me fait plus kiffer. Excusez-moi si le bonheur vous dérange, quoi. Ouais. Janie Enfonceau, Mozart, petite musique de nuit. Qui a dit ça? Non, mais c'est Janie Enfonceau. Ah bon? Ouais, il a marqué Mozart. Ouais. Et le titre, c'est Petite musique de nuit. J'ai rarement l'occasion d'écouter Mozart. Ziggy. Ziggy ah ouais. Starmania. Ah Ziggy, ouais. C'est ça? Voilà, ouais. C'est ça. YMCA Village People. Oh, j'adore. Oh. C'est vrai qu'on l'entend beaucoup, mais moi, j'aime beaucoup aussi. Hein. Camille qui dit Baby de Justin Bieber. Oh non, ah non, je ne peux pas te laisser dire ça. On ne touche pas à Justin. Ouais, bah, c'est Baby, c'est pas ma préférée, donc on peut taper dessus. Oh, j'aime bien. Insolence, Jule. Ouais. Ah, j'adore aussi, moi. Bah, ouais, Jule, j'aime bien, je sais ouais, pas. Moi aussi, j'aime bien. Petit Poney de la part de Benad Fanny. Qui c'est ça, Petit Poney? Bah non. Petit non, Poney. Suis... Attends. Qui a chanté? Pardon. Thibaut à l'arrière. Ah, je me suis un peu emballé. Ouais, mais je crois que je Petit Poney, je connais. Vas-y, refais. Ça fait Petit Poney, Petit Poney. Voilà, c'est ça. Ah bon, mais j'ai jamais entendu ça, moi. Mais surtout, personne n'a envie d'écouter cette chanson. Il est rapide, le titre, quand même. Hein. Ouais, très court. Merci, Fanny, en tout cas. Et merci, Amir. Tu as été bon, tu as été brillant, je te le redis. Merci, bon, restez France. Avec nous, puisque dans un instant, sur Fun Radio, c'est le Wesh C'est qui va débarquer. Vous gagnez vos PC portables. 01 42 48 5000, on fait de la radio ensemble jusqu'à minuit. Et pour le son, tout de suite, c'est Major Lazer sur Fun. Baby got ass like a trunk. Took it from a man, he a punk. She got a body like Baywatch. I met her at playoffs. Bought 10 bottles, bought 10 more. Told her move her ass to the tempo. Is you really with the shit though? Really, is you really with the shit though? We got champagne and vodka. Goons with me if they need a pile of. Fuck niggas, hate real niggas, get money. All motherfuckin' that. Baby, drop it to the ground like yes, bitch. Back it up like yes, bitch. Yeah. After the club, I'll smash it. We'll come home, we pass it. Rider. Break a cup, she a make bag a nice, me no even give a fuck. She a show lot of sign dollar where you a go do. Take a roadside, go smash it pan the avenue. Two of my bitches in the club. Me introduce them to each other. Other, other, man a girl is, I'm in stand to forever. C'est le Night Show, contente d'être avec vous comme chaque soir là en direct jusqu'à minuit. Et vous savez qu'aujourd'hui nous sommes le 21 septembre. Oui. Et que ça veut dire que c'est également la journée internationale de la paix. Je sais, c'est beau. Oui, et d'ailleurs je sais pas si vous le savez, mais c'est aussi la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Ah, contre la maladie, et eh ben c'est une bien belle cause. Et d'ailleurs je sais pas si vous le savez, mais c'est aussi la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. On a compris Anso, merci. Et d'ailleurs je sais pas si vous le savez, on a compris aussi... Relou. Wesh, c'est qui? Wesh, c'est qui? J'aime beaucoup ce nouveau jeu parce qu'il met une sorte de tension comme ça. C'est la minute en fait, avec le chrono derrière, on ne sait pas si ça va passer ou pas. Vous vous inscrivez sur le mail marionanswer@funradio.fr et le principe est très simple. Il faut faire deviner 4 stars sur une liste de 6 à papa ou maman en l'espace d'une minute. Ouais, et vous pouvez dire tout ce que vous voulez. En plus, c'est ça qui est cool, quand c'est avec papa ou maman, on s'énerve un peu et ça nous fait marrer. Exactement. Maman ou papa évidemment est en ligne avec notre standardiste pour ne rien entendre de la liste. Et puis bon, on va accueillir le joueur du jour. Ouais, et c'est Tom. Bonsoir Tom. Salut Marion, salut Anso, est-ce qu'on est content d'être là ? On est content d'être là ! Ça va Tommy ? Très bien et toi ? Ouais, t'as 13 piges toi ? Ouais. Tom, okay. C'est ton vrai prénom ou c'est un diminutif ? Non, c'est mon vrai prénom. Eh bien, on aime bien les prénoms courts comme oui. Ça, c'est efficace. Et c'est mignon. Tom, t'habites où ? Palaiseau. D'accord, alors il paraît que maman est is an English woman. I am too. Yeah, his name is Kate. Yeah. D'accord, mais du coup, elle connaît quand même les stars françaises, ça le fait ou pas ? Bah, elle est, en fait, on est tous bilingues. Oh, excuse-nous, hein. Mais quel rapport ? J'aime bien connaître les stars françaises, mais en fait, on est tous bilingues. Ouais, mais en fait, tu veux dire qu'elle est française, mais d'origine anglaise, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok, bon, est-ce que tu as de quoi noter ? Nous allons te donner la liste d'aujourd'hui. Pas très simple. Ok. T'es prêt ? Ouais. Alors, on commence avec Capucine Anav. Comment c'est écrit ? Bah, A-N-A-V. Capucine, tu sais, c'est celle qui était sur Énergie 12, celle qui a fait Secret Story, celle qui est maintenant est dans TPMP. Je te donne pas mal d'indices. Ensuite, nous aurons Bruno Guillon. Ok. Ok, on aura Franck Ribéry. Ok. Ça va, tu vois qui c'est ? Ouais. On aura Ariana Grande. Ok. On aura Leonardo DiCaprio. Ok. Et Natou. Leonardo. Oui, c'est vrai que c'est un peu long à écrire. DiCaprio. Ça nous fait Capucine Anav, Franck Ribéry, Ariana Grande, Natou, la youtubeuse, Leonardo DiCaprio et Bruno Guillon. Donc oui, Bruno Guillon, ouais. Natou, okay. Natou, c'est qui ? C'est une youtubeuse très connue. Oula, je sens que ça va être un wesh qui compliqué. Hein. Non, ça va le faire, mon pote. Tu peux y arriver. Eh bien, Tom, on accueille tout de suite ta maman qui s'appelle Kate. Hi, Kate. Hi, Marion and Sophie. How are you, Kate? I am very well. How are you? Very good, too. Thank you. On va s'arrêter là, Kate, hein, parce que, on vous le dit, dans cette émission, l'anglais, c'est pas tout à fait notre fort. Pas exactement. Pas un problème. Bon, Kate, vous savez que ce soir, vous allez peut-être faire gagner à Tom son ordi portable. Pas mal comme cadeau. Hein. Super. Il faut deviner 4 stars sur la liste de 6. C'est pas évident, mais il a le droit à tout pour vous faire deviner. Donc, concentrez-vous et n'hésitez pas à passer si vous avez un doute, ok? D'accord, ok. Et vous avez une minute. Attention, Tom, Kate, vous êtes prêts ? Ouais. 3, 2, 1, c'est parti ! Wesh, c'est qui ? C'est un joueur de foot avec une tête hyper moche qui a fait un accident de voiture. C'est le numéro 7. C'est pas Ribéry, c'est pas... Oui. Passe ! C'est bon. Oui, c'est bon. Vas-y, go. C'est un pote à papa que papa, il appelle Bruno. Bruno ? Ouais, mais son nom de famille, c'est... Bruno, du matin, j'en sais rien. Vas-y, oui, ça passe. Next. Ouais. Validé. C'est Next. une chanteuse américaine. Madonna. Elle est jeune. Beyoncé. Elle a fait. Non. I got one last mom without you. Passe. C'est un acteur de cinéma. Il a fait beaucoup de films. Titanic. DiCaprio. Oui. Vite, le dernier. Allez. Vas-y. Elle a fait TPMP. Elle est. Aïe. Oh non. Ce qui est énorme, c'est que Kate, elle était vraiment à fond, quoi. On peut pas leur laisser encore 5 secondes. Ah ouais, si, on leur laisse 5 secondes. Tu sais quoi, mon pote ? T'as exactement 10 secondes pour faire deviner un nom. Mais en fait, elle connaît aucune des stars qui sont là. Ouais, mais là, vas-y, Tom, essaye, Tom. Tom, tu vas essayer right now. Et Tom, est-ce que je peux lui dire, est-ce que je peux genre lui dire en anglais? Oui. Et elle traduit. Ah bah non, c'est trop facile. Is it Capucine Anav? Non, mais je veux dire genre trop, par exemple. Bon, attends, essaye quoi. On lance le chrono, vous faites ce que vous voulez. 3, 2, 1, c'est parti. Ok maman, c'est une chanteuse américaine. Son deuxième prénom, son nom, c'est Tro. Oh, grande. Ariana Grande. Oui. Et Kate, Tom, c'est gagné. Ouais. Oh, elle est gentille, hein. Ouais. On est gentil, mais c'est vrai que la liste de ce soir était vraiment très compliquée et c'était une bonne stratégie hein, de dire voilà, c'est grand en anglais et tout, pas mal. Ouais, franchement, vous nous avez fait kiffer. Kate, vous êtes tout le temps comme ça dans la vie aussi speed? On essaye. Non, adorable. Vous avez une super jolie voix, un bel accent. On est hyper contents pour vous deux. Ah bah merci à vous, c'est très gentil. On vous embrasse très fort tous les deux. Ouais, vous aussi. Bah, très bonne soirée. À bientôt. À bientôt, ciao ciao. See you soon. Bye. Yes. Bye. Bye bye. Dans un instant sur Fun Radio, nous allons accueillir Romain. Alors déjà, laissez-moi vous dire que Romain est très sympa. Ah, il est dans le partage, Romain. Et moi, je te dis, Romain, il est smooth. Hein. Complètement smooth. Il nous appelle pour parler d'une tradition un peu bizarre en Espagne. C'est sa prof d'espagnol qui fait ça. Et ça l'a un peu choqué, du coup, il a envie d'en parler. Donc appelez-nous vous aussi, là, si vous voulez parler des traditions régionales un peu bizarres, 01 42 48 5000. Mais est-ce que tu peux nous donner un indice sur cette tradition étrange? Alors, c'est un rapport avec le corps humain, madame. Ouh là là, une prof avec le corps humain. J'ai oui, peur que ça tourne mal. C'est bizarre. Bougez pas, on parle de tout ça juste après Calvin Harris sur Fun. Why wait to say, at least I did it my way. Lie way too faced, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Tu m'appelles là tout à l'heure dans l'émission les amis, 01 42 48 5000 si vous voulez jouer ou si vous voulez faire de la libre antenne, ça marche aussi. Il y aura quoi ce soir? Il y aura du je te demande pardon aussi et évidemment on va parler cul, voilà, gros programme, ne bougez pas surtout. Ouais, mais pour le moment on a Arthur de La Rochelle. Alors Arthur, il nous a fait marrer, oui, parce qu'il a vécu un truc de dingue avec une prof à lui. Bonsoir Arthur. C'est pas Arthur? Non, c'est pas Arthur, c'est Romain. Bonsoir Romain. Bah oui. Tu m'as fait peur. Salut Marion, salut Enzo. Ça va Romain? Mais ça va et vous? Oui, mais alors j'aimerais demander à Enzo, parce qu'il y a quand même peu de lettres en commun entre Arthur et Romain. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est simple. Elle est blonde. Non, on aura Arthur aussi tout à l'heure au téléphone. C'est pour ça, il nous a envoyé un mail, Arthur, parce qu'on a un problème à régler à Arthur. Tout ce qui est lapsus, quoi. Ouais, c'est ça. Dis-nous, Bichon, c'est quoi cette histoire de tradition? Alors, en fait, c'est une tradition, mais grave chelou. Ça fait 3 ans, à peu près, ouais. 3 ans, et c'est ça que j'ai cette prof. Et si tu veux, en fait, à chaque anniversaire, genre, elle demande à la personne d'aller au tableau. Si tu veux, là, moi, je viens juste d'avoir 15 ans. Mm-hmm. Genre, elle m'a appelé. Elle m'a dit, viens au tableau. J'ai été au tableau. Et elle m'a tiré 15 fois l'oreille. 15 fois l'oreille? Ouais. Et genre, il y a des personnes dans ma classe qui ont 16 ans, donc ils tirent 16 fois l'oreille. Et en fait, c'est suivant l'âge, et bah, elle tire le nombre de fois l'âge de l'oreille, quoi. D'accord. Donc, ils te tirent. Alors, par exemple, si t'as 20 ans, elle te tire 20 fois l'oreille. Voilà, c'est ça. Ah, c'est marrant. Mais ça doit être très très chiant et très très long quand t'as 60 ans. Ah ouais, non, je te confirme. Mais elle te tire l'oreille de manière amicale ou elle tire pas trop fort quand même? Non, elle tire pas trop fort, mais c'est relou quand même. Ouais, mais c'est drôle, je la trouve sympa de faire ça. Elle vous fait partager un peu les traditions et tout. Moi, ça me choque pas. Bon, c'est marrant, mais devant tes potes, comment ils réagissent? La classe, elle réagit comment? Bah, elle se fout de notre gueule, quoi. Mais après, au bout d'un moment, ça leur arrive à eux, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est marrant, ça me fait marrer. Parce que je suis en train de réfléchir, moi je connais pas de tradition comme ça régionale, je viens d'Angers. Il y a rien, par contre, il y a un truc, je pense que c'est dans toute la France, mais moi la tradition de la jarretière au mariage, elle me met extrêmement mal à l'aise. Hein. Ouais, moi aussi j'avoue. Alors c'est le marié qui doit enlever avec les dents la jarretière de la cuisse. Alors devant toute la famille, en plus, moi aussi je trouve que c'est un peu gênant. C'est très gênant et à Angers ils le font beaucoup, je pense que c'est partout. Ouais, bah oui, moi aussi à Nantes ils le font. À Nantes on n'a pas trop de tradition, par contre on fait de très bonnes baguettes tradition. Oh là là là là là là là là là là là là, Anso. Ah mais moi vous savez tout pour l'humour. Hein. Ouais bah écoute mon pote Romain, pourquoi pas. Moi j'ai envie de dire c'est pas, il y a pire comme tradition. Ouais c'est vrai, ouais, mais bon voilà quoi. Mais cela dit, tu nous as lancé sur un débat. Nous on va parler de ça parce qu'on a trouvé quand même des traditions un peu cheloues, un peu ouf, voire très humiliantes dans le monde entier. Donc bougez pas, je vais vous les faire dans un instant. Et puis bah vous là, 01 42 48 5000 si vous connaissez des traditions un peu marrantes comme ça, des trucs où on peut rigoler, on peut apprendre des choses, parce que c'est aussi ça le night show, bah c'est du partage. Oui c'est ça, des trucs insolites, appelez-nous. Allez on revient tout de suite, bougez pas. Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Awards. World. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing. Connectez-vous sur partyfun.fr et votez pour votre DJ préféré. Qui des DJ Fun Radio? Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo ou Martin Garrix repartira avec le plus de trophées. Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Vote for me. Votez pour moi. Go le son Dance Floor. Et si payer avec mon mobile me rapportait? Moi, avec Orange Cash, je peux payer avec mon téléphone. Bah moi, avec Orange Cash, en plus, j'ai plein de bons plans chez les commerçants. Eh ben nickel, tu vas pouvoir m'inviter à manger, j'ai plus de batterie. T'inquiète, j'ai mon chargeur. Orange Cash, le geste mobile pour payer malin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions réservée aux abonnés Orange Mobile en France métropolitaine, détenteurs d'équipements compatibles. Compte de monnaie électronique géré par Wirecard Card Solutions Limited, autorisé par la Financial Conduct Authority sous le numéro 900-051 sous licence Visa Europe. Info sur orangecash.fr. J'arrive chez McDo, je prends un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'embarquent. On arrive dans une base ultra secrète où des mecs bossent sur une équation de physique moléculaire et me demandent la solution. Mais tu t'y connais en physique moléculaire? Ben non, je suis en L. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Hier soir, j'ai rencontré Mathieu, un dîner mythique. Il est mignon, drôle, sexy. Bref, toutes les filles de la terrasse ont flashé sur Mathieu. Mais moi, j'ai craqué pour Vincent. Il est timide, mais c'est justement ça qui me plaît. Rencontrez-vous à l'un des nombreux dîners mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio, sur iPhone. Radio, la radio connectée avec vous sur Twitter, Instagram et Snapchat avec le compte Fun Radio FR. Toute la journée, partout, suivez Fun Radio non-stop. Salut, c'est DJ Snake sur Fun Radio. What's up, guys? It's Martin Garrix. This year, Fun Radio is the place to be. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your Diamonds, but 22h, minuit. Marion et Anne-Sau, le Night Show. Sur Fun Radio. Oui, c'est nous et on parle des traditions un peu cheloues là de vos régions, de vos pays. Donc appelez-nous 01 42 48 5000 et je vous en ai trouvé les gars. Cool. Elles sont, mais alors, gratinées. Est-ce que vous êtes prêts pour le vrai faux du soir? Bien sûr. Ouais. Le vrai faux du Night Show. Écoutez ça, il y a du vrai, il y a du faux, c'est à vous de déceler tout ça. Ok. Au Kenya, on crache sur les nouveau-nés, à votre avis? Mais pourquoi? Alors, je te dis, au Kenya, on célèbre la naissance d'un nouveau-né en le faisant passer dans les bras de toutes les femmes du village pour qu'elles lui crachent dans la bouche. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou faux? Non, c'est faux. Eh bien, c'est vrai. Alors, je ne sais pas pourquoi, ah, c'est une tradition. Il y a peut-être un délire avec les défenses immunitaires, peut-être? Je ne sais pas, je pense que c'est... Non, mais tu sais, les traditions, il ne faut pas chercher. Hein. Ben, ça date de je ne sais pas combien de milliers d'années et elles font ça, elles le crachent dans la bouche. Heureusement qu'on ne se souvient plus rien après. Ça me choque pas plus que ça. Un caca pour un bébé, écoutez bien. Au Bénin, les femmes doivent se faire caca dessus après l'accouchement pour que le bébé se porte bien. On dit que si elles ne le font pas, les bébés auront des problèmes toute leur vie. Non, pas non. Bah non, les gars, mais vous réfléchissez vraiment? Non, mais et en revanche, j'avais vu ça un jour, il y a très longtemps, dans les maternelles. Quand une femme accouche et que l'enfant fait sa crotte. Ouais. Au Bénin, tu veux dire? Non, au Bénin, ou je sais plus dans quel pays d'Afrique. Ouais. Et ben en fait, elles mettent le caca de l'enfant sur le toit. Mais non. Pour renforcer la maison du toit. Oh, c'est d'accord. Donc non, c'est pas bête. Et donc du coup, c'est un toit de merde. D'accord. C'est sympa. Bah merci pour cette précision, Anso. La fête de Tori. En janvier, de nombreux Islandais célèbrent la fête de Tori et mangent le repas le plus dégueu du monde, composé de testicules aigres de bélier, de têtes de mouton bouillies, de boudin, de saucisses de foie et de requins fermentés. À votre avis? Bah je pense que c'est vrai parce qu'à aucun moment t'aurais pu imaginer tous ces aliments. Tu me connais bien. Ouais. Eh ben oui, c'est vrai. C'est en Islande et moi ça me dégoûte déjà. Comment on peut manger du requin, mon animal préféré? Ah non, ça, je dis non. Non, par contre les testicules de mouton, toi ça te... Ça passe. Okay. Manger ses crottes de nez pour avoir la fortune, à votre avis? Ce serait en Iran. Si vous avez un rhume, vous devez absolument manger vos crottes de nez. Celles-ci seraient signe de prospérité et de fortune. Mais à quel moment est la thune? Mais non, c'est faux. Bah oui, c'est faux. Ce serait tellement drôle. Yannick. Par contre, faut manger une cuillère de lentilles le 1er janvier. Ah bon? Ouais, comme ça la fortune vient. En Iran ou non, partout dans le monde? Enfin, je sais pas où, mais... D'accord, et eh ben écoute, j'y penserai, merci. Souffler dans le cul pour avoir du lait. Alors ça, c'est ma préférée. Écoutez, est-ce que c'est vrai ou faux? En Éthiopie, dans la tribu des Nuers, les femmes soufflent de l'air dans l'anus de la vache. Cette pratique permet de faire sortir l'urine et les excréments de l'animal, ce qui du coup déclencherait plus facilement la production de lait. Ah oui, oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Je vous jure, c'est vrai. C'est vrai, un jour, j'ai vu un reportage sur Arte. C'était vraiment passionnant. Non, mais c'est un délire. C'est-à-dire que, excusez-moi, mais vous avez la vision de ces femmes qui soufflent dans le cul de la vache, quoi. Non, mais c'est terriblement dangereux. Ouais. Bah, et genre, elles font que ça. Et puis, elles soufflent. Et là, après. C'est terrible. Mais c'est horrible pour la vache, on est d'accord. Et bah, franchement, la vache, calme. Bah, qu'est-ce que ça peut lui faire, la vache? Ça fait un peu d'air, au pire. C'est pas de la maltraitance, moi, je trouve. Ça va. La vache calme. Le sourcil d'immunité. Écoutez, ce serait dans l'ouest de l'Islande. Les membres de la tribu Amirovitch s'arrachent les sourcils une fois par an pour invoquer leur dieu Amir. Ah oui, c'est vrai. Vraie tradition. Je vous rappelle que si vous connaissez pas l'émission, Amir des réseaux sociaux a des sourcils vraiment énormes. Quoi. Voilà. Je vous emmerde. Les sourcils qui parlent, évidemment. C'est bien connu. Et franchement, c'est hyper intéressant de parler de ces petites traditions comme ça. Écoute, moi, au Kenya, le fait que les femmes crachent dans la bouche des nouveau-nés, ça m'a un peu choquée. Moi aussi, je trouve ça un peu bizarre. Mais je suis sûre qu'il y a un délire de système d'immunité. Vraiment. Hein. Eh ben, je vais me renseigner pour toi, Anso. On a Marine de Massy qui nous a appelé. Bonsoir, Marine. Bonsoir Marion, bonsoir Anso. Ça va Marine? Salut Jolie. Ça va pas mal et vous? Ouais, dis-nous, est-ce que t'as une tradition un peu bizarre à nous proposer? Alors moi en fait, il y a quelques semaines, je suis partie au Japon et je me suis rendu compte que le 4 était banni complètement du pays. Genre dans l'ascenseur, il n'y a pas d'étage 4 ni ah rien bon quoi. Ah bon? Oui, oui, oui. Mais c'est bizarre parce que à la limite le 13, il me semble que dans les avions, il n'y a pas de rangée 13. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça, et là-bas c'est le 4 et je me suis renseignée. Et en fait, c'est parce que le 4, ça se prononce comme la mort, en fait, comme le même mot que la mort. Ah, le 4, voilà. D'accord. Et ça se dit comment, Marine? Bah, elle sait pas. Je ne savais pas vous le ressortir, là. Je ne trouve pas que les Japonais, ils parlent un peu genre. Bah oui, c'est leur accent. Pauvre. limite raciste. Si, Enzo. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais c'est, genre, c'est une sonorité. C'est comme en Allemagne, ça fait rare. Et bah, là-bas, il y a des mots qui. On dirait que c'est une langue inventée qui n'existe pas, tu vois. C'est vrai. Bon. Tu rames là un peu, non? Oui, sortez-moi de là. Mais là, juste pour rester dans l'Asie, Amir, tout à l'heure, tu nous disais qu'en Chine, ils crachaient, c'est ça? Ah oui. Oui, alors en Chine, ils crachent beaucoup. Mais pourquoi? Mais ils crachent par terre. Ils crachent par terre, mais c'est quelque chose de tout à fait normal. Et tu sais qu'ils rotent aussi. Hein. Ouais, ils rotent beaucoup. Et par exemple, non, mais Cindy, notre ancienne stagiaire. Et excusez-moi, la Chine est à l'honneur ce soir. Non, mais, c'est vrai. Cindy, vous vous souvenez d'elle, notre ancienne stagiaire. Bah oui. Elle est partie faire elle avait un truc à faire en Chine. Un concert, là, un concerto. Voilà. Mm-hmm. Et ben, elle nous expliquait qu'en Chine, là-bas, elle faisait son petit truc de violon. Ouais. Et il y a des mecs qui rotaient dans la salle. Et ça ne choquait personne. Parce que pour eux, c'est poli. En fait, quand tu as bien mangé, tu rotes et c'est un signe de politesse. C'est comme si tu avais félicité la personne qui avait offert le repas. Oui, mais quand t'assistes à un concert, t'as fini de manger depuis longtemps. Oui, mais pour eux, c'est normal. C'est comme si tu tousses, en fait. C'est pas du tout dégueulasse. Et comme le fait de cracher par terre, pour eux, bah, c'est normal. C'est dans leur culture. Mais par contre, ça vient très très loin quand ils crachent. Oui, bah ça va, les détails, Amir. Ouais, dégueulasse. Ça va. Mais écoute, Marine, merci en tout cas de nous avoir appris que le chiffre 4 en japonais, bah, c'était la mort. Mais y a pas de souci. Bon, et bien, on t'embrasse. Bah, merci à vous aussi. Et bisous. Konnichiwa. Non, c'est bonjour, ça. Bisous, Marine. Je suis pas très calée. On a Martin de Lyon aussi qui est avec nous. Bonsoir, Martin. Bonsoir les filles, bonsoir toute l'équipe. Ça va? Salut. Ça va et vous-même? Ouais, très bien, on t'écoute sur la tradition bizarre. Alors moi c'est la tradition de ma copine. Depuis que je suis avec elle, bah, j'ai dû m'y mettre aussi. C'est, j'ai pas le droit de me couper les ongles la nuit, le samedi et le mardi. Hein? Et je peux me couper les cheveux que le jeudi et le samedi. Bah oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette personne? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Parce qu'elle est hindouiste. Elle est pardon? Hindouiste. Ah d'accord, et donc chez elle, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi tu peux pas certains jours? Alors là, franchement, j'ai essayé de lui demander, elle m'a dit que c'est dans sa tradition familiale, je n'en sais pas plus, je sais juste que je me suis plié à ça par amour pour elle. Mais si ça se trouve, Martin, en fait, elle a inventé ça, elle se fout de ta gueule. Hein. C'est clair. Bah, c'est-à-dire qu'elle s'est mise dedans aussi alors, hein. C'est-à-dire qu'on se touche... On est tous les deux dans une situation assez bizarre. En revanche, c'est vrai qu'il y a des coiffeurs qui disent souvent qu'il faut se couper les cheveux sur certains jours quand il y a des lunes pour que tes cheveux repoussent plus fort. Pleine plus lune. Et tout. Ouais, pareil, et... c'est hyper efficace. Il y a un mec à Paris, il fait ça. Oui, c'est vrai. Dans les rues de Paris. Ouais, il ouvre son salon là. Ah oui, dans les rues de Paris. Ouais, dans les rues de Paris. Enfin, non, il coupe les veuches aux meufs là, dans les salons, bah, juste à minuit, je pense. Mmh. Ensuite, elles vont dehors, habillées encore avec la petite veste là. Et elles regardent la lune, c'est ça. Et elles regardent la lune. Et je trouve ça voilà, chacun son avis. Mais du coup, il doit pas gagner beaucoup de fric s'il travaille que les jours de pleine lune. Non, mais il travaille tout le temps, plus les jours de pleine lune. Il bosse pour nous, lui. Ah, il est pas fit fit là pour moi. Bah, écoute, Martin, bonne continuation dans ce rituel un peu chelou, mais pourquoi pas. Merci. On t'embrasse. Au revoir, bisous, au revoir. Bisous. Thibaut, à l'arrêt, justement, est-ce que tu as une tradition à nous proposer? Ouais, moi, la meilleure des traditions pour moi, elle est en Grèce. Là-bas, à la fin du repas, ils cassent des assiettes. C'est trop cool. Ah, c'est chouette. Mais ça doit coûter cher à la fin. Le nombre d'assiettes que tu casses, c'est un délire. Ouais, j'avoue. Ouais. En plus, ils ont plus de thunes là-bas. Les pauvres. Mais oui, c'est vrai. Et on sait pourquoi ils font ça ou pas? Je crois que ça porte bonheur. C'est pas bien, tu m'as dit ça, ça marche pour eux. C'est clair. Qui continue. Mais je crois qu'aussi en Russie, après avoir bu de la vodka, tu casses les verres. Peut-être parce qu'ils sont juste bourrés en fait. Je sais pas. Bon, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. C'est le Pourquoi tu m'appelles qui va débarquer pour vous inscrire 01 42 48 5000 ou Marion et Anso@funradio.fr. On se retrouve juste après Souf sur Fun Radio. Elle me dit qu'elle est fatiguée. Elle me dit qu'elle veut tout lâcher. Même pas eu le temps de lui expliquer. C'est plus la peine de continuer. Mais c'est le temps qui court, court, court, court, court. Mais c'est le temps qui court. Pour tout ce mal, je suis désolé. Encore une fois, j'ai tout caché. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mea culpa. Mea culpa. Je lui dis qu'elle m'a fatigué. C'est à cause d'elle que je vais tout lâcher. J'sais pas comment lui expliquer. Un jour j'finirai par m'barrer. Mais c'est le temps qui court, court, court, court, court. Mais c'est le temps qui court. Pour tout ce mal, j'suis désolé. Encore une fois, j'ai tout gâché. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais à coup pas. Mais à coup pas. Avouer, à demi-mot pardonner, tous tes défauts avouer, à demi-mot pardonner, mais c'est le temps qui court, et c'est le temps qui court, mais c'est le temps qui court, c'est le temps qui court. Mais à coup pas. Mais à coup pas. Vous êtes sur Fun Radio, bienvenue à tous ceux qui nous découvrent ce soir. Sachez que nous sommes comme une grande famille et qu'on partage plein de choses, de la rigolade mais aussi des infos. Oui. Et là j'en ai une pour vous qui concerne Jean-Marc Morandini. Alors vous le savez, il y a eu un scandale qui a éclaté cet été avec des plaintes comme quoi il aurait fait une sorte de détournement de mineurs. C'est pas vraiment ça, mais en gros il aurait un peu abusé de casting, il y aurait eu des mineurs qui se seraient montrés nus, etc. Il en aurait profité. Et du coup ça y est, il a été placé en garde à vue pour corruption de mineurs et harcèlement sexuel. Ouais, c'est chaud, j'ai vu ça ce matin, c'est chaud. Ouais, il est entendu là, je sais pas s'il a été libéré ce soir, mais en tout cas toute la journée il est en garde à vue. On avait les gardes à vue, ça reste quelques heures quand même. Hein. Alors la bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il doit être content parce que là-bas, il va en voir des barreaux. Oh là là là là, mais c'est pas possible. Lourdeur. Pourquoi tu m'appelles? Je vous appelle pas. Ne me fais pas chier. Vous êtes qui là, pauvre con? C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Pour vous inscrire au Pourquoi tu m'appelles, c'est très simple. Vous nous envoyez un petit MP sur Facebook Marion Enso ou par mail marionenso@funradio.fr. Il y a des casques Beats à gagner. Franchement, c'est de la super cam, donc on y va. En plus, on se marre, on passe un bon moment, c'est sympa. Enzo joue avec nous ce soir. Bonsoir Enzo. Salut les filles, salut toute l'équipe. Ça va? Oui, ça va et toi? Très bien, merci. T'habites où Enzo? J'habite à Lyon. Lyon, d'accord. On a beaucoup de Lyonnais en ce moment. Ouais, c'est vrai. Je crois qu'il y a une percée qui se fait par là-bas. Quoi. Enzo, je te rappelle le principe du pourquoi tu m'appelles. Tu dois choisir entre Marion ou moi-même, et tu dois rester le plus longtemps possible en disant pourquoi tu m'appelles à la personne sur laquelle tu vas tomber, quoi. Ok. Tu choisis qui, Enzo, pour jouer ce soir? Je vais jouer contre Marion. Eh bien, ça Allez. Tombe bien, car j'ai une idée de handicap. Tiens, je te le donne dans le mille, Enzo. Allez, dis-moi. Alors, on va faire un truc collégial avec Yannick du Standard et je vais nommer aussi Thibaut à l'arrière. Ok, ok. Marion, tu vas faire un pourquoi tu m'appelles classique et à chaque fin de phrase, les garçons, on va se relayer pour faire un bruit d'animal. Ok. Donc le chat, le chien, si quelqu'un sait ce que fait un paresseux, on peut le faire. Voilà, exactement. D'accord, donc genre je suis un peu dans une ferme quoi. Exactement, bah, okay. tu fais ce que tu veux, mais en tout cas nous on ponctue chacune de tes phrases. Ça marche. Enzo, on laisse Marion commencer, comme ça tu verras un petit peu combien de temps elle fait. Ok, allez c'est parti. Allez, bouge pas et on appelle nous. Marion, qui commence les gars? Je commence et après vous vous enchaînez tous les deux. Allez. Allô? Oui, bonjour, pourquoi tu m'appelles? Je ne vous ai pas appelé. Ah, parce que, putain, c'est pas possible, c'est quand même la quatrième fois que ça me fait ça. En fait, là c'est un numéro masqué qui m'a appelé, je savais pas trop si je devais répondre ou pas. Alors, parce que... Bah non, mais c'est compliqué parce que ça fait quand même quatre fois et moi j'en ai marre parce que je me dis s'il y a un problème sur la ligne ou si quelqu'un me pirate... C'est super compliqué, donc est-ce que vous êtes sûr de pas m'avoir appelé? Ah mais je suis sûr. Vous m'avez forcément appelé hein, puisque ça a sonné. Donc voilà, moi je suis tranquillement là en train de gérer mes animaux. En plus j'ai beaucoup de boulot. Du coup, oui, j'entends ça, mais je suis désolée, mais moi j'ai pas eu d'appel et après j'ai pas eu non plus d'appel. Alors, vous m'avez pas appelé par rapport à mon petit cochon nain? À votre petit cochon nain? Ouais. Vous vouliez pas éventuellement l'acheter? Ah non. D'accord. Ça doit pas être moi. Et c'est pas par rapport à mon pan? À votre pan? Mon pan, alors je sais pas. Mon paresseux peut-être. D'accord, d'accord. Non, parce que là, ils s'excitent tous. Je suis désolée, mais je sais pas. Donc, vous voulez pas me dire pourquoi vous m'avez appelé? Ah, mais c'est plutôt à vous de me dire pourquoi vous m'appelez. Ah non, non, non, moi monsieur, j'ai beaucoup de boulot là, j'ai vraiment une ferme à gérer, il se passe des choses, mon téléphone sonne, je décroche, à un moment donné il faut me dire parce que je vais craquer. Arrête ! T'arrêtes maintenant, hein ? Va chercher ! Monsieur ? Oui ? Pourquoi tu m'appelles ? Ah mais écoutez, je suis désolé, ça doit être une erreur. D'accord. Mais ça doit pas être moi, enfin, je connais personne qui a une ferme chez lui. Avec oui. autant d'animaux, dont un pan et un paresseux. Oui. Ah, eh bien, écoutez, je suis la seule de France. J'élève effectivement des paresseux qui fécondent des pans. D'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, j'aurais été très, très honoré d'avoir dans mon répertoire une telle personne. Eh bien, merci. Mais ce n'est pas le cas. Eh bien, je suis désolé. Sachez que si vous avez besoin d'un animal, gardez mon numéro, on ne sait jamais. Ah bah écoutez, je vais garder votre numéro en masqué pendant un bon moment. Avec plaisir. Avec plaisir, monsieur. Je suis désolé. Alors moi, j'ai des animaux, je ne sais même pas ce que c'est. Ils me font des cris. Oui, j'entends ça. Bah, les gars, je vous passe juste mon pan, histoire qu'ils vous disent au revoir. Hein. Ah, mais avec plaisir. Oh mon Dieu, vous avez abusé. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que Yannick Ostenda, il fait des bruits d'animaux que j'ai jamais entendus. Genre, il fait des goudoud, goudoud. Ça n'existe pas. Mais j'ai ri, je me roulais par terre. Combien de temps elle a fait, Thibaut? On a fait 2 minutes 58. Ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est beaucoup. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, on est près du record, là. Enzo? Ça va être compliqué à battre. Hein. Non, tranquille, Enzo. Franchement, ça se fait tous les jours, 3 minutes. Hein. Enzo, tu vas nous faire un 6 minutes. On n'aura rien vu venir. Allez, c'est parti, Enzo. Bonne chance. Allez. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Oui, pourquoi tu m'appelles ? Ah, je ne vous ai pas appelé, monsieur. Bah, moi, j'ai mon téléphone qui a sonné, donc... Eh bien, écoutez, c'est une erreur. Je ne sais pas, mais moi, je ne vous ai pas appelé. Et bah pourquoi mon téléphone a sonné alors? Bah, je ne sais pas, monsieur. Moi, j'ai pas mon téléphone et il est dans ma poche. Donc, c'est peut-être dû à un contact de ma poche, je sais pas. Il est dans votre poche? Vous téléphonez avec votre poche? Eh ben, je sais pas. Ah. C'est pas moi qui vous ai appelé, monsieur. Je suis désolé. Pourtant, moi, j'ai décroché. Ah oui, mais je vous dis que c'est pas moi qui vous ai appelé. C'est pas de ma faute qu'ils avaient mon numéro. Si vous voulez, je vous dis. Bah, si c'est vous qui répondez, c'est bien que... Oui, mais c'est vous qui m'avez appelé. Je vous dis que je ne vous ai pas appelé. Mon téléphone, il était dans ma poche, à côté de moi, et j'ai pas appuyé sur quoi que ce soit. Et je connais pas votre numéro, je sais même pas qui vous êtes. Bah oui, mais... Bah voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et pourquoi vous m'avez appelé, alors? Parce que si c'est bon, pas moi qui vous ai appelé... Bon, on va rester là, parce que je vois que vous ne comprenez pas. Je vous dis au revoir, monsieur. Bah non, vous m'avez appelé. Aïe. Enzo. C'était sûr, mais bon, voilà, c'était pas facile aussi. Moi, je suis tombée sur un super bon client, on va pas se mentir. Ouais. Ah bah oui, 3 minutes, c'était quand même... Ouais, c'était chaud. T'étais déjà passé, toi, pourquoi tu m'appelles ou jamais? Non, jamais. Bon, est-ce que ça te dit, on se fait un pourquoi tu m'appelles de rattrapage d'ici quelques jours? Ah bah oui, je veux bien, alors. Je vais demander au pan et à la poule si ça leur dit ou pas. Mais Yannick, au standard, tous les animaux font miaou. Hein. Bon, Bichon, on se cale ça, promis, dès que tu peux, là, d'ici allez, 15 jours, on se fait un pourquoi tu m'appelles de rattrapage, d'accord? Ah, merci beaucoup, ouais. Avec ton grâce. Bisous, poteau. Bisous. Ciao. Bisous. Bon, dans un instant sur Fun Radio, on aura Arthur avec nous. Arthur, il lui arrive un truc pas cool parce qu'il est en couple avec une nana. Bon, ça, c'est bien. Ouais. Sauf que cette nana, elle est toujours restée amie avec son ex. Ok. Et du coup, ils ont fait la boulette. Aïe. Donc, du coup, Arthur, déjà, laissez-moi vous dire qu'il est ronchonchon. Elle n'est pas bien. Et on comprend pourquoi. Et du coup, on s'est posé la question, est-ce que vous êtes pour ou contre rester amis avec vos ex? Moi, personnellement, si je puis me permettre, je suis dubitative. parce que j'avais extrêmement envie de placer ce mot qu'on oublie trop souvent dans cette langue française. Et qui compte triple au Scrabble. Voilà. Évidemment. Appelez-nous en tout cas 01 42 48 5000. On se retrouve après Martin Garrix, qui lui est à chaque fois ami avec ses ex et absolument toute la population du monde. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Name of love. We could bathe in all the lights. Would you rise up? Come and meet me in the sky. Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all Martin Garrix sur Fun, c'est Marion et Anso, le Night Show. Il est déjà 23h12, mon Dieu que ça passe vite. Il y a le jeton de pardon là qui arrive, on va parler cul tout à l'heure, on va même parler rêve érotique les copains. Oui. Si vous avez fait un rêve érotique complètement fou, complètement étrange, barasse, appelez-nous 01 42 48 5000 dans l'équipe. Il y a des rêves érotiques, je vous le dis pas maintenant, mais c'est n'importe quoi. Ouais. C'est, ouais, surtout Anso. Ouais, moi j'en ai un qui est pas mal en tout cas. Bon, là on est avec Arthur. Oui. Voilà, je vous parlais d'Arthur tout à l'heure, il arrive maintenant, il appelle de La Rochelle. Bonsoir Arthur. Bonsoir Anso, bonsoir Marion. Ça va Arthur? Ça va et vous? Oui, alors Arthur, toi, on le dit, hein, tu passes en anonyme parce que t'as pas envie qu'on te reconnaisse. C'est ça. Alors dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec ta copine, ton ex ou je ne sais quoi? Alors en fait, je suis toujours avec cette fille, ça fait plus d'un an qu'on est ensemble. Et elle continue à parler à son ex, donc moi j'ai été super gentil avec elle, je lui ai dit qu'elle pouvait lui parler, tant que c'était que de l'amitié quoi. Mm-hmm. Et deux semaines après qui commençaient à se reparler et tout, ils ont fait la boulette, c'est qu'ils ont couché ensemble. Ah, c'est chaud. Ah bah oui. Aïe, donc voilà, donc je suis un peu dégoûté quoi. Donc j'ai réussi à lui pardonner, sauf qu'elle continue toujours à lui parler. Oh non. Et quand on en parle, elle s'énerve. Non mais attends, c'est se moquer un peu de toi là quand elle même, Arthur. Culottée elle quand ouais. même. Hein. C'est ça. Ah ouais. Ah ouais, non, parce que Arthur, déjà, toi, bravo à toi parce que c'est bien de pardonner. Franchement, tout le monde l'aurait pas fait. Moi, j'aurais eu du mal par exemple. Mais alors, en plus, qu'elle ait le culot de te dire, écoute, je continue à lui parler et t'as rien à dire, ça, c'est pas bien. Hein. Ouais, c'est pas facile, mais bon, je l'aime beaucoup donc. Ouais, je comprends. J'ai réussi à passer là-dessus. Ouh là là, toi, t'es un petit fragile, toi. Mais, et ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble, Arthur, ta meuf et son ex. Non, ils sont restés moins d'un an, 3 mois, je crois. Ouais, mais c'est pas possible. Mais comment elle se justifie? Je veux dire, elle te dit, bon, bah écoute, ouais, on a déconné, mais c'était juste une fois, maintenant ça va aller? Alors, elle m'a dit, s'est mise à pleurer, elle m'a dit, parce qu'elle me l'a annoncé au resto, hein. On était en train de manger ensemble quand même. Bon, tu sais, en même temps, Arthur, je te dis, il n'y a pas de bon endroit. Hein. Et ouais, du coup, elle m'a dit que comme elle était très complice avec lui, voilà, ça lui avait donné envie de le faire. Quoi. D'accord. Et franchement, sérieux Arthur, je ne sais pas si je l'aurais pardonné. Non, vraiment. C'est dur là, parce ouais. qu'elle n'a pas d'excuse en fait. Hein. Je veux dire, c'est son ex, à un moment donné, elle continue à lui parler après ce qui s'est passé, c'est pas très respectueux vis-à-vis de toi. Je bon. Te le dis franchement. Arthur, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va essayer de te donner des conseils pour que tu puisses avoir oui. une conversation avec ta nana sans qu'elle s'énerve et pour régler un petit peu l'histoire. Ouais. Et puis, on va parler aussi des ex. Moi, j'ai plein d'histoires avec des ex par rapport au fait que bon, bah, je suis sur un célibat hein, et que du coup, j'ai quand même eu quelques ex et quelques histoires un peu gratinées. J'ai envie de savoir du coup si t'es restée en contact avec eux ou pas. Je suis restée en contact avec eux. Alors parfois ça se passe bien et parfois ça se passe pas bien. Ok, bah voilà. Tu nous raconteras. J'ai un peu de tout et vous appelez-nous 01 42 48 5000. Dans la radio. Ce matin, c'était ça. On a lancé ce matin sur Fun Radio le hashtag qui n'a jamais. Gawel qui a posté qui n'a jamais curé son nez et collé le pitou sous le canapé. Le mot pitou va me faire la chose. J'ai vu ça qui n'a jamais fait pipi en éternuant. À part ma grand-mère, je vois pas. Pardon, excusez-moi, c'est pas sérieux. Il y en a, il est pas crade. Je vous jure, mais le mec il se lâche. Qui n'a jamais essayé le soutif de sa mère. Bruno dans la radio. Bruno. Reviens demain sur Fun Radio. Hier soir, j'ai rencontré Alice à une soirée karaoké mythique. Elle chante super bien. En deux notes, elle enflamme toute la salle, Alice. Mais moi, c'est Laurie qui me fait craquer. Elle chante complètement faux, mais c'est justement ça qui me plaît. Rencontrez-vous à l'une des nombreuses soirées mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. J'arrive chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ et là, un groupe d'hommes habillés en noir m'attrape et me jette dans un taxi. On arrive dans un amphi où plein de profs à lunettes m'attendent pour que je réponde à une question genre « Quel est le sens de la vie ?» Non. Et alors ? Bah, tu sais bien que je suis nulle en orientation. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, bougez plus. Est-ce qu'on est content d'être là ? On est content d'être là ! Bon, forcément, quand tu fais ça tout seul, bah t'as l'air un peu con. Écoutez Marion et Anso, le Night Show. It's the Night Show ! De 22h à minuit sur Fun Radio. Et ce soir, la France doit venir en aide à Arthur. Arthur, il nous a appelé parce qu'il est avec sa chérie depuis quasiment un an. Ouais. Et en fait, elle a décidé de rester amie avec son ex. Ouais, ça lui a pas posé de problème jusqu'au jour où elle a fait la boulette, elle a couché avec ce fameux ex. Et maintenant, non seulement il lui a pardonné, ce qui est sympa de sa part, mais en plus, elle, elle a dit « Je continue à lui parler, je m'en fous ». Ouais, ce qu'on trouve pas très cool. Hein. Et puis elle s'énerve en plus quand vous en parlez, Arthur. Hein. C'est ça. Hein. C'est ça, exactement. Écoute, moi je pense qu'il faut vraiment que tu lui fasses comprendre que ça te rend malheureux en fait. Et sans lui poser d'ultimatum, parce que je comprends bien que tu l'aimes beaucoup, mais que tu lui dises, voilà, moi je fais pas ça par respect pour toi, je parle pas avec des ex, je te trompe pas, donc toi s'il te plaît, limite au moins les contacts quoi. Ouais, et puis Arthur, il faut que tu lui expliques aussi que la confiance elle est forcément brisée vu qu'elle a couché avec son ex, donc c'est quand même un peu compliqué pour que vous puissiez avancer et construire un truc vraiment sérieux et solide quoi. Ah bah ça, je l'ai déjà dit, mais elle comprend pas. Ouais, mais bichon, est-ce que toi tu lui fais la même chose ? Est-ce que t'as essayé de reparler à une ex ? Non, parce que je connais sa réaction et du coup je lui ai dit justement que elle, si je le faisais, bah oui. Elle m'aurait dit qu'elle m'aurait déjà quitté quoi. Bah attends, évidemment. Mais c'est la meilleure celle-là. Non, mais attends, excuse-moi, elle est complètement égoïste. Je pense qu'elle a plein de qualités puisque t'es amoureux d'elle, mais c'est extrêmement égoïste de dire ça. Hein. Et puis il faut peut-être creuser un peu, Arthur, parce que peut-être que c'est pas terminé les sentiments avec son ex aussi. Hein. Bah, c'est ce que je me demande justement en fait. Ouais, moi je pense que là il faut vraiment que tu discutes avec elle. Tant pis, elle va s'énerver, bah tant pis. Si elle s'énerve contre toi, si elle a pas la patience de parler avec toi, c'est peut-être que bah, elle te mérite pas. C'est ça, ça doit être ça alors. Bah ouais bichon, je sais que t'es amoureux, mais là tu peux pas te laisser marcher dessus comme ça. Franchement, elle peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la totale. C'est trop facile. Attends, elle a un ex sous la main. Attends, j'aimerais qu'on revienne vite fait sur cette expression. Oui, parce que j'avais pas l'argent du beurre. Moi, je connais jamais la suite. La crémière. Toujours... Ah, la crémière. Voilà. Moi, je dis toujours la beurrière, ce qui ne veut rien dire. Non, ouais. Non, mais c'est vrai, elle veut tout à la fois, ta meuf. C'est pas possible, c'est pas ça une relation. C'est pas ça la confiance, c'est pas comme ça que ça marche. Faut faire des concessions. Si elle veut te garder, si elle t'aime, elle doit réduire les contacts avec son ex au moins pendant quelques mois, le temps que la confiance revienne, quoi. La base. Ouais, je suis entièrement d'accord, mais bon, c'est pas. Bah ce qu'elle comprend quoi. Et bah bichon, si elle le comprend pas, à un moment donné, faut que tu sois un homme, un bonhomme, tu tapes la main sur la table. Ça se dit ça ? Non, du poing sur la table. Ah voilà, tu tapes le poing sur la table et tu lui dis non, c'est pas possible, je suis pas d'accord. Arthur, il y a de la réaction au standard, puisqu'on vous a posé cette question, est-ce qu'il est possible de rester ami avec son ex ou pas ? Oui. Il y a Laetitia de Toulon qui nous a appelé. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Marion, bonsoir Anso, bonsoir toute l'équipe. Salut. Bonsoir. Ça va Laetitia ? Ça va et vous ? Bah ouais, très bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce sujet-là, l'amitié entre ex ? Alors moi, bon, l'amitié entre ex, j'ai un avis, et pour son histoire, j'ai un avis. Ah bah vas-y. En gros, moi, pour mon cas, je suis amie avec tous mes ex, et ça se passe très bien, parce que bah, j'ai un copain, un ex en particulier, une copine, et on se fait même des soirées entre nous, enfin, ouais, il n'y a aucune ambiguïté, et ça se passe très bien. Ok. Néanmoins, dans son cas... Franchement, faudrait qu'il la largue pour qu'elle comprenne, en fait. Bah, ouais, mais tu sais, quand t'es amoureux. Ouais, mais alors, effectivement, je trouve que c'est peut-être un peu violent. Mais c'est un ultimatum. Bah, c'est pas une mauvaise idée aussi, Arthur. C'est une manière de peut-être lui faire ouvrir les yeux, tu vois. Ouais, mais j'ai déjà pensé ça. C'est justement. C'est vrai que l'ultimatum, honnêtement, je pense que tu vas être obligé d'y venir si jamais ça change pas. Ouais. Bah, c'est ce que je pense. Ou alors s'éloigner de manière à ce qu'elle comprenne que rien n'est acquis et que. Voilà, que la confiance, faut qu'elle ça se gagne et que voilà, tu rien n'est acquis. Ça, c'est pas bête, justement, Arthur, vous vivez pas ensemble ? On a vécu ensemble. Ah, d'accord, vous faites tout à l'envers, vous. Maintenant, vous ne vivez plus ensemble. C'est ça. Ok, ouais, bah, moi, je te le dis, je n'ai pas confiance en elle. Moi, je trouve que si en plus elle a le culot de te dire non, je continue à lui parler, c'est qu'il y a encore une histoire de sentiment derrière. Ouais. C'est ce que j'aimerais bien savoir, quoi. Mais bon. Eh ben, tu creuses, tu lui fais un ultimatum, tu lui dis je t'aime, mais je ne peux plus supporter cette situation. Il faut que tu choisisses. Voilà. Ok, bah c'est ce que je vais faire. Je suis vos conseils. Laetitia, en tout cas, merci de nous avoir appelé, ma chérie. De rien, bisous les filles. On t'embrasse. Moi, j'ai réussi à rester amie avec mon ex, mon premier amour avec qui je suis restée 2 ans. Ouais. Enfin, on est très amis, mais sa copine, elle aime pas trop que je sois dans ses pattes. Alors que c'est elle qui me l'a piqué en plus. Ouais, mais je comprends, elle te redoute. Bah pourquoi ? Elle me l'a piqué, ils ont un enfant, ils ont fait leur vie. Je sais, tu vois. Elle sait que ça a été hyper fort entre vous, elle se dit j'ai réussi la première manche, mais si jamais elle revient à l'attaque, qu'est-ce qui va se passer ? Et puis on sait comment ça peut être une meuf, tu vois, pas toi. Mais il y a plein de meufs qui peuvent avoir enfin, tu vois, un esprit de revanche comme ça et. Ouais, je sais pas. Moi, à partir du moment où c'est fini, je trouve que c'est fini. Donc, mais moi, je serais plutôt pour hein, une amitié avec ses ex, mais j'ai jamais réussi à le faire. Je suis très honnête, c'est impossible pour moi parce que soit l'un, soit l'autre ne veut pas, il y a trop d'amertume, tout ça. Mais franchement, il y a des ex avec qui j'aimerais bien être pote. Tu sais qu'aux États-Unis, ça s'appelle frex, être quand ça se passe bien. Si, c'est vrai. C'est un mouvement, ouais. C'est un mouvement entre friend plus ex, ça fait frex. Ouais. Voilà. Vous êtes quoi ? On est frex. Les garçons dans l'équipe, qui est pour l'amitié entre ex ? Ah, mais moi, je suis totalement pour. Ah ouais, ouais. Thibaut, il est pour. Moi, okay. Franchement, je suis totalement pour, mais genre pour moi, avant de redevenir pote, faut attendre genre au moins 6 mois. C'est quoi, non, faut attendre un an même. Un an. Pourquoi un an ? Bah, genre 6 mois pour mon cœur et puis 6 mois pour ma tub. Trop mignon. Amir, pour ou contre ? Totalement contre. Ouais. Mais c'est quoi ? Ça me surprend pas de toi, te connaissant. Ah bah, développe, vas-y. Parce que Amir, c'est quelqu'un qui est quand même très carré. Une fois que c'est fini, basta, on passe complètement à autre chose. On se retourne complètement vers le turfu. Quoi. Mais non, voilà. Moi, pour moi, on regarde devant, faut pas regarder derrière, ça sert à rien. Voilà, tu l'as dit beaucoup mieux que moi. Voilà. Non, mais si on est. Bah, de toute façon, à partir du moment où c'est ton ex, c'est qu'il y a une raison. Oui, si mais. Si ça a été ta meuf et pas ta pote, s'il y a une raison. Oui, mais quand ça a été ta pote avant d'être ta meuf. Et bah du coup, bah ce sera plus ta pote après être ta meuf. Bah je suis pas d'accord. Yannick du Standard, t'en penses quoi ? Ah moi je suis assez mitigé quand même. Pour le coup, ça dépend qui est à l'origine de l'amitié. Si c'est un mec, c'est sûr qu'il veut la baiser encore. Arrête ! Non, mais je suis honnête, moi je suis un mec, donc je vous le dis. Si c'est une meuf, c'est pas pareil. Ouais. Tu penses que si le mec veut rester ami avec elle, c'est qu'il a envie encore de se la faire, peut-être. Je suis d'accord avec lui. Peut-être, c'est un débat, mais moi je trouve que ça peut marcher quand même. En tout cas, les filles au Standard, ça vous émoustille hein, cette histoire. Il y a Émilie qui est avec nous. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Ça va, Émilie ? Ça va, nickel. Alors, dis-nous, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Bah, moi, je pense que il y a encore quelques années, je pense que ça aurait pas pu marcher, mais j'étais totalement contre. Et en fait, ça fait 3 ans que je suis avec mon mec. Dès le départ, il m'a dit que elle était toujours pote avec son ex, ça se passait bien, tout ça. Donc, au début, moi, j'étais pas trop emballée. Finalement, j'ai appris à la connaître, c'est une fille bien, on fait des bouffes ensemble. Voilà. Ils sont même partis 3 jours ensemble à Amsterdam, juste tous les deux. Ah ouais. Donc mais t'as vraiment confiance toi. Ah non mais moi jamais de la vie je laisse mon mec partir à Amsterdam ou même dans n'importe quel pays avec une meuf, avec son ex. Hein. Et avec une meuf tu le laisses ? Franchement, si c'est sa meilleure pote, que je la connais bien et qu'elle est lesbienne, oui, mais sinon, non. Ah non, abusé. Oui, Thibaut. Moi, j'ai l'ex de ma copine qui lui a renvoyé un message pour lui proposer d'aller boire un café. Et t'as dit quoi alors, toi ? Et franchement, moi, je lui ai dit, si t'as envie d'y aller, vas-y, franchement, moi, j'ai confiance en toi, il n'y a aucun souci. Oh, t'es mignon, toi. Non, mais en plus, c'est vrai, hein, pour qu'une relation marche, il faut qu'il y ait de la confiance. Après, c'est ça le problème, Arthur. C'est que toi, dans ton cas, tu l'as laissé faire, elle a couché avec son ex, et là, en plus, elle est en train de te dire, me saoule pas si je l'envoie, quoi. Ça pue quoi, je te le dis, ça pue Arthur. Ouais, non, enfin, Arthur. Je l'ai pas laissé faire non plus quoi, parce que sinon je dois attraper l'autre. Non, mais je veux dire, tu les as laissés reprendre contact et tout à la cool, oui. Parce que t'es un mec gentil. Bah, c'était pas trop méchant quoi, mais après voilà quoi. Arthur, on va demander l'avis d'un auditeur qui est venu nous voir ce soir, il s'appelle Gaëtan, il est policier, et j'ai bien envie de savoir qu'est-ce qu'on en pense dans la police. Gaëtan, à ton avis, est-ce que l'amitié entre ex, ça peut exister ? Ça peut, mais honnêtement, dans ton cas, je mettrais un ça pue d'or. Ouais, ça pue d'or de ouf. Je suis complètement d'accord avec Gaëtan. Je suis d'accord. Ça pue d'or. Ça veut dire quoi d'ailleurs, ça pue d'or ? Je sais pas, c'est le genre. C'est un trophée. Ça c'est pue. Un trophée. Ah, la médaille d'or de ça pue. Voilà, ah, le ça pue d'or. J'aime bien ce truc. On peut l'instaurer le ça pue d'or. Hein. Ouais. Ah ouais, grave. Merci Gaëtan. On va te le piquer. Hein. Et Gaëtan, c'est son anniversaire aujourd'hui en plus. Mais non. Si, c'est son anniversaire. Et en plus, il y a tous les copains flics qui nous écoutent. Donc vas-y, là, fais-leur un petit message. Ah bah, une petite dédicace à tous les collègues de Nanterre. Mich, le bleu. Mich, c'est pour vous. Et les gars, ça pue pas d'or. Voilà, Mich, on t'embrasse. Bon, mais et puis bah toi, Arthur Bichon, là, il faut faire quelque chose. L'ultimatum, ça me paraît être la meilleure solution. Mais voilà, ne faiblis pas, surtout ne te laisse pas faire. Ouais, y a pas de souci, hein, vous inquiétez pas. Et surtout, tu nous tiens au courant. Si à un moment donné, tu sens que ça flanche au niveau du moral, voilà. Hop, t'appelles les copines. Il n'y a pas de souci. J'y penserai. Arthur, on t'embrasse et bon courage à toi. Merci, moi aussi. Allez, bisous. C'est un mec bien, lui, en plus. Mais grave. Franchement, pourquoi elles font ça, des mecs bien comme ça, les filles? Moi, je ne comprends pas. Mais tu sais pourquoi? Parce que nous, les filles, on aime bien quand il y a un peu de difficulté dans une histoire. Et que du coup, quand c'est trop facile et qu'un garçon est trop amoureux, bah, parfois, ça nous agace. Donc, on fait du boudin. Ouais, mais ça m'énerve, moi, ça. Je suis pas d'accord. Ouais, voilà, moi aussi. Abat le sapudor, quoi. Puis c'est tout. Bon. Ça veut rien dire. Mais je crois que je vais jamais réussir à bien l'employer. Hein. Bah si, par exemple, toi, ça fait 3 semaines que tu n'as rien fait, que tu es célibataire, que tu le vis mal, et ben je peux te décerner le sapudor. D'accord. Voilà, tu vois. Merci en tout cas. Restez avec nous puisque dans un instant sur Fun Radio, c'est le Je te demande pardon qui va débarquer. Oui. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu, Je te demande pardon. J'aime bien. Si vous voulez vous faire pardonner, par exemple, comme la meuf d'Arthur pourra nous appeler, par exemple. C'est vrai. Marion et Anne-Sorbassionradio.fr pour vous inscrire et pour le son tout de suite. C'est Sound of Legend sur Fun Radio. C'est hyper bon, c'est Blue. C'est Marion et Anso, le Night Show. Et on a lancé un concours avec vous en début de semaine. Le concours est simple, ça se passe sur les réseaux sociaux. Il suffit de retweeter pour gagner des kits complets SCUF qui sont chambés avec des manettes personnalisées qui sont de toutes les couleurs. Elles sont vraiment canons. Mais vraiment, il y a de l'accessoire de haut de gamme. C'est un truc de malade, mais moi j'ai envie d'en avoir. Eh bien écoute, tu n'en auras pas. J'ai retweeté pourtant. Hein. Ou alors t'as qu'à retweeter. Allez-y sur le compte Marion et Anso. On fera un tirage au sort demain ou dimanche. Ou demain et dimanche. Parce qu'on est dans la générosité. T'as un truc à te faire pardonner. C'est l'heure du Je te demande pardon. Où ça sur Fun Radio. Oui, le Je te demande pardon vous permet de vous excuser en direct devant toute la France. Déjà, c'est bien parce que ça vous crédibilise un petit peu comme ça. Oui, nous, oui. On est là, on vous aide, on essaie de sortir les rames pour que ça se passe bien. Et en plus, vous repartez avec votre PC portable si la personne vous pardonne. Voilà. Alors attention, on est avec Jules ce soir. Jules, qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Bonsoir Marion, vous allez bien? Oui, et toi Bichon? Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là! Alors Jules, qu'est-ce que t'as fait toi? T'as 13 piges, dis-nous tout. C'est une chose grave. Alors j'ai cassé l'iPhone 6 de mon père. Ouais. Et il le sait pas. Comment ça il le sait pas? Bah en fait il sait qu'il est cassé mais il sait pas que c'est moi qui l'ai fait. D'accord, et comment t'as fait? Tu l'as fait tomber? Bah oui, en fait, j'étais en train de faire à manger. et je regardais la recette sur le téléphone. Et il y avait un récipient d'eau et je l'ai mis sans faire exprès dans le récipient d'eau. Ah, t'es pas fut-fut, mon pote. T'as quand même un iPhone dans de l'eau. Par contre, tu faisais à manger, ça c'est cool. Ah oui, bonne initiative à 13 ans. Ça c'est bien, tu préparais quoi? Je préparais, comment ça s'appelle, des pâtes avec plusieurs trucs, des champignons, tout ça. Ah, beau bordel dans l'assiette donc. Très mignon ça. Voilà. Ok, du coup il s'appelle comment, papa? Il s'appelle Athem. D'accord, eh bien écoute, on va l'appeler, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'il va pas être trop chonchon. Bonne chance à toi, Jules. Non, ça va, allez. Et du coup, il a quoi comme téléphone, là, papa? Un iPhone 4S. Ah ouais, si, il a été quand même... Oui, allô? Allô, papa? Oui. Ça va? Ça va, et toi? Ouais, ça va. Je vais te dire, je vais t'annoncer un truc que tu savais pas. Alors, tu vois ton iPhone 6 qui est cassé? Quoi? Ah bon? Ton iPhone 6 qui est cassé. Comment ça a cassé? Si, je l'avais cassé. Enfin, je te le dis, là, je l'ai cassé. Il était cassé et c'était de ma faute. Parce que je l'ai fait tomber. J'ai fait genre que c'est pas moi, mais voilà. Ah, écoute, c'est pas grave. Hein, moi, je m'excuse, ça se fait pas. J'ai cassé ton iPhone 6, en plus tu dis rien. Voilà, ouais, c'est sympa de me le dire déjà, j'apprécie que tu me le dises, mais bon, on trouvera une autre solution pour en racheter un autre, c'est pas très grave. T'as ton iPhone 4S. Oui, c'est pas grave, j'en ai un. Donc, du coup, ouais, c'est bien ça. Est-ce que tu me pardonnes? Bien sûr, mon chéri, je te pardonne, il n'y a aucun problème. C'est pas très grave. Il y a plus grave dans la vie. Vraiment désolé, hein, parce que... Il y a plus grave dans la vie, donc vraiment désolé. Une autre solution pour en racheter un autre. Je préfère te dire. C'est tellement mignon. Au bout d'un mois, c'est un peu tard. C'est quoi ça? Cet instant beurre vous est proposé par Fun Radio. Athem. Oui, bonjour. Bonsoir. Vous êtes en direct sur Fun Radio. Marion et Anne-Soul Night Show, ça vous parle? Ah oui. Je connais votre émission. Ah oui, mais c'est une vraie blague là. Ah non. Non, il est sincère, Jules, il a vraiment cassé votre iPhone 6, il l'a mis dans l'eau, il voulait s'excuser et surtout vous annoncer la vérité. C'est lui qui a fait ça, il en est désolé. D'accord. En tout cas, Athem, on peut dire que vous avez bien éduqué votre fils, parce que Jules a dit tout de suite, écoute, la vérité doit être mise au grand jour. Oui. J'apprécie qu'il dise la vérité, comme ça les choses sont claires et on accepte mieux les choses quand on dit la vérité. Vous êtes un gentil papa quand même, hein. Il s'est pas du tout énervé. Direct, il a pardonné son fils. Franchement, on était ému, hein. Ah oui. Ah, merci beaucoup. Beaucoup d'émotions. C'est Fun Radio ou c'est une blague? Ah bah, non, c'est non, Fun Radio. C'est vraiment Fun Radio. C'est pas une blague, hein. Rien n'est une blague. Voilà. D'accord. Athem, oui. Vous avez bien dormi? Vous êtes en forme là? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. On est smooth, hein. Ah ouais, complètement smooth. On est smooth, Athem, là. Hein. Bon, et en tout cas, tous les deux, franchement, c'était mignon. C'était un bon moment. Vous êtes chou. Et du coup, c'est gagné. Le PC portable à la maison. Voilà. Ouais. Oh, dis donc, c'est une sacrée surprise. Là, j'en reviens pas. Là, tout d'un coup, j'ai chaud, là. Ah voilà. Il a été bon, le petit. Il a dit la vérité. Donc voilà, c'est gagné. C'était le je te demande pardon du soir. Félicitations, les gars. On vous embrasse. C'est magnifique. Merci. Bisous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Le moment de parler cul arrive dans l'émission. Ah bah je le vois, il court là. Il arrive vers nous. On va se le prendre en plein fouet. Oh, il est beau. Et Anso, justement, ça te concerne puisque tu nous as raconté, je crois que c'était hier ou avant-hier, que tu as fait ce week-end un rêve érotique un peu particulier. Tu as rêvé que tu couchais avec Olivier Mine, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors c'était pas très trash. On faisait l'amour normalement avec Olivier Mine. Sauf que c'était dans la cellule des seaux d'eau, là, tu sais, où tu cours sur le tapis roulant pour remplir un truc, pour récupérer la clé. Donc je faisais l'amour avec Olivier Mine sur le tapis roulant dans Fort Boyard. Ouais. C'est magnifique. Du coup, ça nous a inspiré. Appelez-nous pour nous raconter le rêve érotique le plus étrange que vous avez pu faire comme ça dans votre vie. 01 42 48 5000. Moi, j'en ai un qui devrait plaire à tous les mecs. Ah. Ouais, madame, bougez pas, on vient juste après Jonas Blue sur Fun. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. The secret tomorrow will hold. We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now. feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with you. Who knows the secret tomorrow will hold. We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light won't change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light won't change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Je le fais plutôt pas mal, je non, trouve. Non. S'il y a un truc. Non. Oh, la barbe. Non, mais parce que Marion, elle disait qu'elle adorait cette chanson de Jonas Blue en antenne. Oui. Mais je crois que bah, tu la massacres, hein, donc je crois que Jonas Blue va te détester. Non. Tu sais quoi, je pense que cette chanson m'aime en retour. Il y a un truc, il y a une connexion. Une sorte de réciprocité. Tout à fait, Anso. Bon, on voulait parler avec vous des rêves érotiques. Alors pourquoi ce sujet? Parce qu'Anso nous l'a annoncé il y a quelques instants. Ouais. Elle a rêvé qu'elle couchait avec Olivier Mine, le présentateur de Fort Boyard. Oui. Donc c'était où exactement? Bah, c'était dans Fort Boyard. On ouais. était dans la cellule, mais on faisait l'amour vraiment très, très tendre, très câlin. Ouais. Et on était dans la cellule des seaux d'eau, tu sais, avec les tapis roulants, là. Alors, les seaux d'eau en deux mots. On est d'accord. Bah, oui, c'est-à-dire que si c'était S-O-D-O, voilà. Ce serait quand même une épreuve très chelou dans Fort Boyard. T'imagines la cellule consacrée à ça, quoi. Bon, bah, les gars, faut y aller. C'est l'épreuve des seaux d'eau. Sinon, pas de clé. Et alors, est-ce que tu as apprécié bon coup, Olivier Mine? Bah attends, et franchement, Olivier Mine, on va pas se mentir, il est quand même pas mal. Oui. Surtout qu'il fait quand même pas mal de muscu, il est gaulé. Ouais. Et écoute, j'ai passé visiblement dans mon rêve, c'était un moment agréable. Mais c'est bizarre en fait, parce que quand je me suis réveillée, j'avais vraiment l'impression de connaître Olivier Mine, alors que il ne connaît pas mon existence. Hein, mais Oh, bah on peut le tweeter pour lui dire que t'as rêvé de lui éventuellement. Allez. Amir, tu fais ça comme ça, il faut l'informer. Moi, je suis chaud. Eh ben vas-y, Olivier Mine va savoir qu'Anso a rêvé de lui de manière érotique. Mais vraiment en tendresse, quoi, tu vois. Mais il va pas mettre ça sur le tweet. Je vais mettre ça sur le tweet, mais par contre, vous savez quand même que Olivier Mine, il fait partie de la maison. Ah, c'est-à-dire. Je comprends pas qu'il fait partie de RTL. Ah oui. Non. Bah non. Ah mais bon, jamais de la vie. Tu confonds avec Fogiel ou Ruquier, mais non. Olivier Mine, il fait pas partie du groupe. Mais non. Non, excuse-moi. Mais écoutez, vous savez que devant la France entière, je viens de dire une connerie. Ah oui, il fait pas de radio du tout, Olivier Mine. Ah bon? Non, rien à voir. Mais il est sur France 2, mais peut-être que. Alors peut-être qu'il va retweeter, on sait jamais. Ah non, mais il m'a peut-être envoyé une maquette, il voulait faire partie. Arrête! C'est la rumeur. Est-ce que je peux vous raconter le rêve érotique que j'ai fait, moi? Oui. C'était il y a un petit moment, mais c'était hyper bizarre parce qu'en fait, je suis absolument pas attirée par les filles. C'est vraiment un truc qui me tente pas. Voilà, j'ai dû faire une galoche dans ma vie ou deux à des nanas. Ouais. Mais là, j'ai rêvé que je faisais l'amour avec une fille. Et alors, ça t'a plu? Non. Non, mais je ne sais pas pourquoi j'ai rêvé de ça. C'est quand même hyper bizarre. J'aimerais qu'on m'explique ça, les rêves. Comment on peut rêver d'un truc qui ne nous plaît pas? Alors attention, parce qu'il y a plein de bouquins qui sortent sur l'interprétation des rêves. Et quand j'étais petite, j'étais hyper intéressée par ça. Ma mère m'avait offert un bouquin. Et un jour, j'avais rêvé d'une lampe. Donc du coup, comme c'était un dictionnaire des rêves, je suis allée voir à lampe. Ouais. Et en fait, tout était phallique. Tout avait un rapport avec le sexe. Ah bon? Alors que, en fait, pas du tout. Donc je suis pas sûre que... Enfin bon. Non mais ouais. Pas du tout. Enfin quand on connaît le personnage, on se pose la question. Mais du coup, toi, ça veut pas forcément dire que t'as très envie d'assouvir ce fantasme. Bah c'est quoi alors? Pourquoi mon inconscient s'imagine ça? Ça que je comprends pas. Je sais pas. Tiens, et si vous êtes interprétateur?

you're searching around. I can't do this anymore. So give me your love. Dans le night show, on va parler cul. I love that. Allez, tout le monde à poil. The night show. Sur Fun Radio. On parle des rêves érotiques qu'on a pu faire là. Et merci Amir des réseaux sociaux qui a tweeté sur le compte de Marion et Anso Olivier Mine. Il oui. a mis scoop du soir. Anso arrivé de Olivier Mine. Hashtag rêve. Hashtag hot. Ouais. Hashtag hot quoi. Non mais le gars va se dire c'est quoi cette équipe. Ouais. Et je voudrais aussi saluer pendant qu'on est sur les réseaux sociaux Mathis Da Silva qui nous dit j'ai rêvé que je faisais l'amour à Nabila en prison. Ah. Intéressant. Bah pourquoi oui, pourquoi pas. Mais moi, à la prison, faire l'amour en prison, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui m'excite. Ah mais bon tu rigoles. Mais moi, ça m'est jamais venu à l'idée. Hein. Bah, c'est le côté interdit, de toute façon. Hein. Côté interdit, les barreaux, le côté un peu glauque. Ah, les barreaux, là. Bah quoi. Le côté glauque, elle est folle. Bah quoi. Ouais. Enfin, deux secondes, elle va me dire dans une maison ouais, hantée, un truc sale. Marion Gagneux, tu me surprendras du jour en jour. Ouais. Mais je le ferai jamais, ce genre de truc. Ah bon, savez. Je me posais la question d'ailleurs. Là. Bah je sais pas. Tu sais, il y a des gens qui vont au bout de leur fantasme. Moi, jamais de la vie. Mais tu sais qu'on nous écoute en prison. Hein. Eh ben, je les embrasse très fort, ceux qui nous écoutent en prison. Bisous. Voilà. Big up. Il y a Darko, pas du tout, Draco de Saumur qui nous a appelé. Bonsoir, Draco. Salut, les filles. Ça va, Draco ? On est content d'être là. On est content d'être là. Ah, j'aime bien ce prénom, Draco, ça vient d'où ? Bah, en fait, c'est la constellation du dragon. Ah, oh. D'accord. Mais pourquoi tes parents ont fait ça ? Ils étaient fans de dragons ? Non, c'est un pseudo. Ah, d'accord. Ah, bah ouais, c'est quoi ton vrai prénom ? Bah, il veut pas le donner, je pense. Voilà, c'est ça. Alors, Draco. Il y a qu'Anso qui aura le droit de le savoir. Ah, bah, tiens, dis-lui, vous êtes tous les deux. Vas-y, Draco. Non, bah, en fait, moi, c'était, à la base, c'était un fantasme qui finalement s'est résumé en rêve. Et c'était par rapport à Anso, justement. Ah, t'as rêvé que tu couchais avec Anso ? Ouais, dans des circonstances, on va dire, plus ou moins bizarres. Bah, raconte. Bah, c'est-à-dire qu'en gros, bah, Anso était avec moi en jupe, dirons-nous, et à une gare, très peu fréquentée, je dirais, et assise, on va dire, plus ou moins en haut de mes cuisses. Oui, d'accord, bah, je me suis assise sur toi, quoi, globalement. En gros, voilà, alors, globalement, c'est ça. Draco, c'est compliqué car je ne porte jamais de jupe. C'est vrai. Bah, c'est pas grave, tu feras une exception. Mais surtout, c'était un rêve, hein. Les rêves se réalisent pas. C'est ça, voilà. Et alors, est-ce ça, que exactement. C'était bien ? Est-ce que tu as apprécié ? Bah, écoute, dans l'ensemble, ça me paraissait pas mal. Après maintenant de savoir qu'il y avait le père Fouras qui était peut-être derrière. Alors ne mélange pas tous les rêves, ça c'est le rêve érotique d'Anso. Bah, c'est le faire ça. Avec Olivier. Écoute, ouais, merci d'avoir partagé ça avec nous en tout cas. Eh ben il y a pas de souci. Mais juste qu'on comprenne, est-ce que c'est un rêve qui a rien à voir avec la réalité ou est-ce que Anso est un peu un fantasme pour toi ? C'est même pas un peu. Ouais, sa petite frange tout. Merci, j'ai envie de dire. Oui, Yannick, au standard. Alors, moi, j'ai juste une question. Est-ce que tu t'es réveillé et t'avais éjaculé ? Oh, merci, Yannick. Ça, c'est intéressant. Non, Yannick, tranquille. Alors ? Non, ça va, ça va. Les draps étaient propres. Mais ça arrive, ça, à des garçons qui font des rêves érotiques. Oui, bien sûr, ça arrive. Mais là, en l'occurrence, nous, on était plus dans la tendresse, Draco, j'ai l'impression. Ouais, tu parles à une gare assise sur lui. Et quoi, on peut être tendre avec la SNCF, hein ? C'est ça, voilà. Bon, et bah, merci beaucoup d'avoir partagé ce rêve avec nous. Eh bah, il n'y a pas de souci, les filles. On t'embrasse, Draco. Bisous. Allez, bonne soirée à vous, bisous. Ciao. Bisous, l'équipe, j'ai des questions pour vous. Ouais. C'est le est-ce que vous avez déjà rêvé ou pas ? Vous allez être très honnête avec moi, d'accord ? Ok, ça marche. Est-ce que vous avez déjà rêvé que vous couchiez avec quelqu'un de connu ? Si oui, qui ? Anso, tu l'as dit. Ouais. Amir. Bah, Virginie Efira, lui, non ? Bah, vous savez quoi ? Des fois, avant de dormir, j'y pense justement pour en rêver. Mais ça vient pas ? Non. Ah bah ça c'est triste, mais je crois que c'est une mauvaise stratégie. Hein. Quand tu penses trop à la chose, ça s'annule après. Ah parce que je te confirme que moi je pense pas à Olivier Mine avant d'aller me coucher. Voilà. Hein. Tu vois ? Les autres, ouais. Les garçons, vous avez rêvé de quelqu'un de connu ou pas ? Ouais, moi il y a une meuf, alors c'est la meuf de Secret Story, je crois que c'est Cindy Lopez. Oh non, alors elle. C'est elle. Oh Mon Dieu, alors elle, je me rappelle très bien d'elle. Comment on peut la resituer? Parce qu'elle a fait quoi après? Elle a fait un peu la guicheuse. Hein. Ouais. Elle était vulgaire, elle se baladait à poil. Il y avait des images d'elle complètement à poil. Ah ouais. C'était la première à avoir fait ça d'ailleurs dans Secret. Elle a fait une sextape sans Jackie et Michel aussi. Enfin, je crois. Eh ben, en tout cas, c'est haut de gamme tout ça. Hein. Bravo, Thibault. Yannick, une personne connue? Ouais, moi, c'est Sandrine Kietje. Ah, pas mal. Ah ouais, alors elle, c'est vrai qu'elle est, elle est vraiment belle comme ouais, femme. Et Sandrine Kietje, t'as vraiment envie de lui faire l'amour, t'as pas envie d'être un peu sauvage. Ouh là là, détrompe-toi, à mon avis. Ah bon? Elle paraît pas comme ça, mais à mon avis. Elle est gourmande. Ça y va. Alors, Amir des réseaux sociaux, tu veux tweeter tout de suite Sandrine Kietje? Non, Laura. Ben, scoop du soir. Et n'oublie pas le hashtag hot, c'est important. Celle-ci, elle m'intéresse. Est-ce que vous avez déjà rêvé que vous couchiez avec un membre de l'équipe? Bon, bah, moi, vous le savez, de hein, l'équipe. Dire. Ouais. Bah, si, Marion, dis-nous. Bah, non, personne de particulier. Moi, je crois pas non plus. Moi non plus. Non, pas dans l'équipe de Fun Radio, ouais, mais. De Fun Radio, de l'équipe ah, de bah, Fun oui. Radio. Bah, c'est, dis-nous. C'est le rêve érotique d'Amir, vas-y, raconte. Alors, sachez que c'est un rêve et que c'était très bizarre. En fait, un jour, j'ai rêvé que je couchais avec Adrien Zoa. Alors Adrien Thomas, on le rappelle, qui est DJ résident à Fun et qui fait partie Fun après nous. Mais attends, mais surtout, il va arriver tout à l'heure, donc oui Thibaut à l'arrière. J'aimerais bien savoir ce que vous vous disiez pendant que vous faisiez l'amour, genre « Ah c'est bon, ah vas-y », genre tu disais quoi? Ouais, bah je sais pas si j'ai envie de m'en souvenir, mais... Mais c'est pas possible, mais attends, dans ces cas-là, tu te réveilles un peu gêné, non? Non, alors en fait, tu te réveilles gêné et tu te réveilles bizarre. Tu te dis, moi qui suis hétéro par exemple, ouais. Je me dis, putain c'est chelou, pourquoi je rêve d'un mec? Oui mais c'est comme Marion qui a rêvé qu'elle faisait l'amour avec une fille aussi, tu vois. Ouais. Ça veut pas forcément dire que c'est un fantasme. Non, pas du tout, mais une fille je trouve c'est pas pareil, parce que forcément un mec bah, c'est différent. Non, c'est pas. Cliché là ce que tu dis Bichon, c'est non, pareil. C'est pas cliché je trouve pas, parce que vous les filles vous avez une ouverture d'esprit beaucoup plus... Wow. Bah non. Vous êtes plus intelligente que les mecs, vous savez. Ouais, oui, mais du coup, déjà t'en parles, hein. Tu vois, il y a plein de mecs, ils font ce genre de rêve, ils le disent pas, hein, même bah, à leurs potes. Hein. Mais parce que moi, je connais mon orientation sexuelle, donc j'ai aucun problème avec ça. Mais ça veut rien dire, de toute façon, rêver de trucs érotiques, je vous assure, vous pouvez rêver que vous faites l'amour avec un monstre, c'est pas pour ça que vous avez envie de taper un monstre, tu vois. Ah, ça. Bah, puis c'est compliqué, parce que comme ça existe pas, c'est quand même un peu compliqué, quoi. Ouais, mais par contre, c'était chelou, quoi. Et le lendemain, quand je l'ai vu, bah, c'était bizarre. Ouais, je comprends. Et il est au courant ou pas? On va lui dire tout à l'heure. Il est pas au courant, mais on n'est pas obligé de lui dire. Et ben, on va lui dire. Est-ce que vous avez déjà rêvé que vous couchiez avec votre patron? Mon patron? Ah oui, moi ça m'est arrivé. Moi, ah bon, celui qu'on connaît là, d'ici? Le grand patron de Fun Radio, mais d'avant. Tristan. Ah, Jérôme Foucré. Jérôme, ça m'est arrivé une fois. Qui est le boss de W9 maintenant. Ouais, ce qui est cool parce qu'il le sait pas et que je dis ça à la radio. Bah ouais. Attends, je vais le tweeter. Hashtag hot. Et alors, c'était sympa? Bah, genre, c'était il y a hyper longtemps, hein, mais oui, dans mes souvenirs, c'était cool. Mais bon, ça reste un rêve, hein. D'accord. Est-ce que vous avez déjà rêvé que vous couchiez avec un membre de votre famille? Ah non. Un cousin, non. Quelque chose. Ah non, c'est dégueu. Avec une cousine, si, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Ouais, en même temps, ça. Cousine, bon, dans un rêve, ça passe. Ouais, je sais pas, moi-même. Ouais, bah, je mise bien en plus. Est-ce que vous avez déjà rêvé que vous couchiez avec un mort? Ah non. Non, non, bon, bah je pose la question. Veux, non, mais tu veux dire avec une personne morte ou un cadavre? Bah, c'est pareil. Non, mais j'ai excuse-moi. Par exemple, je peux avoir rêvé de coucher avec Claude François. Il ah non, mort, mais il est vivant dans mon rêve. Ah, oui. Ah non, je parlais d'un cadavre. Ah bah non, non, non. Non. Oh. Est-ce que vous avez déjà rêvé que vous participiez à une partouze? Ouais. Ah bah Thibaut, alors là, il s'est emballé. Oui, bah oui, moi aussi, ça a dû déjà m'arriver. Enfin, non, pas, ou de faire l'amour avec quelqu'un, puis il y a d'autres gens qui font l'amour aussi, mais pas tous ensemble, tu vois. Ah, pas le mélangisme, ouais. Oui, Thibaut. Ouais, bah moi, ce rêve-là, c'était en gros, j'étais serveur dans un club libertin et il y avait des partouzes à droite à gauche, j'étais avec mon petit plateau, puis entre deux, voilà, je m'amusais, quoi. C'était cool. D'accord, et tu leur servais ta top, quoi. Voilà, comme c'est dans deux trucs sur ton petit plateau. Avec une petite rondelle de citron. Ok, est-ce que vous avez déjà rêvé que vous couchiez avec un animal? Non. Mais non. Ah, je vous pose la question parce que dans les rêves, on peut aller très loin, excusez-moi. Est-ce que vous avez déjà souillé vos sous-vêtements après avoir fait un rêve érotique? Oui. Soyez honnête. Ouais. Jamais. Alors attends, Thibaut, non. Amir et Yannick, oui? Ouais, moi ça m'arrive assez souvent. Même encore. Oh mec, non, me dis pas non, ça. Non, je suis honnête avec vous. Ah ouais, mais toi tu fais pas assez l'amour aussi. Hein. Ah si, ah non, je baisse de ouf. Ah mec, non mais d'accord, j'entends bien, mais ça va la pudeur sinon. D'accord, donc tu te réveilles, c'est mouillé quoi. Bah, je me réveille, je sens que ça arrive et après je me laisse aller. Ah d'accord. Bon, mais bah... c'est stylé parce que en fait du coup quelque part ça veut dire que en fait on est capable d'éjaculer sans se toucher. Oui, bien sûr, bah oui. Mais nous aussi, on peut le faire. C'est, hein. C'est une question d'esprit, quoi. Il faut y arriver. Tu sais que nous, on peut avoir un orgasme en rêvant et se réveiller en train de l'avoir. Oui, bah, malheureusement, ça m'est jamais arrivé. Et enfin, est-ce que vous avez déjà rêvé que vous faisiez un plan à trois avec Amir et ses sourcils? Je vous en ai. Alors, malheureusement, très utile, non. Les sourcils d'Amir en tant que sextoy. Bah, vous savez quoi, mais je suis... Ah, très pratique. Tu le détaches. Bête de vanne. Tu le détaches, hop, un devant, un derrière, et puis tu y vas. Non mais Marion, et crois que mes sourcils, c'est comme du... Oui, c'est Monsieur Patate, tu peux les enlever. Ah oui, c'est du velcro. Hein. Elle pense que c'est du velcro. Mais oui, c'est du velcro. Genre à l'aéroport, je les enlève, je les mets dans le truc de Rayon X. Bien sûr que oui. Non, il dit bon, bon, en tout cas, on a de la réaction. Il y a Eric qui nous a appelé. Bonsoir Eric. Salut. Ça va Eric? Ça va, ça va. Alors dis-nous, est-ce que tu as fait un rêve érotique un peu bizarre? Non, en fait, le rêve en lui-même est pas ouf, quoi. Enfin, c'est plutôt après, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, j'ai rêvé que donc je faisais l'amour avec une collègue de boulot. Mmh. Et du coup, bah, j'ai fait en sorte de réaliser un peu mon rêve, quoi. Ah, ah cool. Rêve prémonitoire. Bah, j'ai fait en sorte qu'il devienne, quoi. Et alors, du coup, tu l'as fait combien de temps après ce rêve? Je sais pas, on va dire après à peu près une semaine, quoi. Et est-ce que c'était aussi bien dans la vie que dans ton rêve? Bon, c'était mieux même. Ah bah mais, ça c'est bien. Et en même temps, c'est vrai que tu soulèves un truc, Eric, c'est que parfois ça t'arrive de faire un rêve érotique avec quelqu'un, mais qui en réalité dans la vie ne t'intéressait pas du tout. Oui. Mais après ce rêve, la personne se révèle un pouvoir d'attraction comme ça sexuelle de fou. Bah si dans le rêve ça s'est hyper bien passé, c'est vrai que ça peut perturber. Ouais. Je suis d'accord. Ah pour le coup. Oui. Ah dans le rêve c'était vraiment pas mal, quoi. Et du coup en vrai c'est encore mieux. Et bah tant mieux. Mais du coup vous l'avez fait plusieurs fois ou Bah ouais, parce que du coup en fait donc moi j'ai remis un peu j'ai refait un peu la scène comme c'était dans mon rêve, quoi. Ah tu lui as dit et tout? Et ouais, du coup on a fait ce qu'on avait à faire. Ouais. Et du coup après je lui ai raconté, et elle a trouvé ça enfin elle a craqué, quoi, elle a fondu, et du coup bah j'ai eu le droit à un cadeau, quoi. Un cadeau, c'est-à-dire? Bah, on a remis le couvert, quoi. Ah, ouais, d'accord. Oui, toi, tu images les choses. Hein. D'accord. Ouais, j'aime bien. Un petit cadeau. D'accord. Et bah, écoute, c'est cool. Donc, maintenant, c'est un plan cul régulier pour toi? Ça l'était, mais depuis, son mec est un peu au courant et ça lui a pas trop plu. Ah, bah oui, bah, t'avais pas tout dit. Et mec, tu t'en es pas vanté de l'histoire, quand même. Bah, moi, non, mais du coup, vu qu'on on discutait pas mal par message. Il D'accord. a commencé à avoir des doutes et puis... Ouais, bah laisse-la, voilà. Laisse-la tranquille. Si elle est maquée et t'as réalisé ton rêve, c'est cool. Maintenant, passe à autre chose. Ouais, bah je vais essayer de rêver quelqu'un d'autre. Et bah surtout que tu nous rappelles si tu rêves de quelqu'un d'autre. Et très bon. Et si t'arrives ça à le marche. Faire. On t'embrasse, Eric. Ok, salut, bonne soirée. Bisous. On a Jessica aussi à Périgueux. C'est marrant, on m'a toujours fait rire Périgueux. Ouais, pourquoi? Bon, je sais pas. Bonsoir, Jessica. Bonsoir, Lucie. Bonsoir, toute l'équipe. Allez. Comment ça va? Ça va bien, et vous? Bah très bien, merci d'avoir le courage comme ça de venir raconter sur Fun Radio ton rêve érotique, chérie. Un peu bizarre, je vais l'avouer. Moi, je suis fan de Disney. Donc mm-hmm. Ça s'est passé il y a un mois et demi, j'étais à Disney, je suis une grande fan. Depuis là, j'ai été, et puis bon, bah bien sûr, j'étais voir la parade. On ne peut pas aller à Disney sans voir la parade. Ouais. Et donc? J'adore la musique. Ouais. Et du coup, bah après, quand je me suis endormie, en gros, j'ai rêvé que j'avais un gangbang avec Mickey, Donald et Winnie. Oh c'est génial. Oh, ah bah, c'est génial. Donald, Mickey, tout ça, dingo, surtout dingo, comme on peut avoir envie de se taper dingo. Est-ce que tu sais que dans les Disney, il y a plein de références sexuelles cachées? Ouais, je sais, ouais. T'avais vu ce truc-là, ouais. C'est ouf, dans les images ou même dans les textes, c'est incroyable. Je pense que les auteurs, ils se font plaisir et les gamins peuvent pas percevoir ça. Ouais. Mais nous, adultes, on peut. Et du coup, moi, bah, Mickey, je le vois plus pareil. Ouais. Voilà. C'est une belle petite chose à ce Mickey. Ah, c'est énorme. Et du coup, t'as fait des trucs avec les personnages, quoi. C'est ça. Mais du coup, totalement dément. En plus, on voit pas leur sexe et tout. Donc non, mais on a du mal à imaginer, quoi. Imaginer. C'était un peu perturbant, je vous avouerai, quand je me suis réveillée, je sais plus où me mettre. Et du coup, c'est des animaux surtout. Hein. Et du coup, quel est le meilleur coup, Donald, Mickey? Mickey. D'accord, et ben écoute, original, pas mal. Tu pourras pas le réaliser celui-là, mais pas mal. Non, je crois pas. On t'embrasse, Jessica, merci de nous avoir appelé. Gros bisous, les filles, à bientôt. Bisous. Ciao, ciao. Bon, on va retrouver Adrien Thomas pour Party Fun jusqu'à 1h du mat. Bonsoir, Adrien. Bonsoir, Adrien, on est en train de parler des rêves érotiques. Oui. Et Amir nous a fait une révélation. Attention, ça va être très gênant. Ah, t'as pas très, très gênant. Non, j'ai pas entendu. Est-ce que je peux lui dire? Oui. Allez-y. Il se trouve que Amir a rêvé. Une fois, il a rêvé qu'il avait fait l'amour avec quelqu'un de Fun Radio. Quelqu'un du même sexe que lui. Quelqu'un qui est DJ résident ici. Quelqu'un qui s'appelle Adrien Thomas. Ah, non. Oui, c'est toi. Il a rêvé qu'il avait couché avec toi. C'est ouf ou pas? C'était quand ça? Ben, il y a un moment. Ouais, c'était il y a quelques temps, quelques Attention, mois. Attention, sur le visage de cette personne se trouve la gêne. Je t'excite tant que ça, donc. Ah, non, mais, attends. Non, non, mais, c'est, non, pas, mais c'est pas grave, on peut en parler. Je sais pas, en fait, genre, je me suis réveillé une nuit. Et je me suis dit, putain, je viens de rêver dès que je faisais. Mais je me souviens plus ce qu'on faisait, mais je sais qu'on a couché ensemble. Ah, mais ça me gêne, hein. Ouais, moi aussi. Oh, c'est en pas fait... gênant, bah attendez, bah, ça va, pas... c'est pas dégueulasse. C'est on fait ce qu'on veut, hein. Mais non, mais c'est d'imaginer Amir là et Adrien Thomas dans ce studio en train de faire des trucs. Ça me gêne. Ah non, pas dans le studio. Ah, parce que c'était dans le studio ? Non, c'était quelque part, je suis plus où, mais. D'accord. Mais tu sais que moi, quand je rêve de quelqu'un, quand je fais un rêve érotique comme ça, toute. Alors, ça t'arrive certainement pas à toi, mais toute la journée, je. Je suis comme amoureux de la personne. C'est exactement ce que je disais. Genre, c'est bizarre. Bah, il y a un truc chelou. Quand je t'ai vu, je te trouvais chelou. Non mais c'est vrai, genre je suis parti voir Adrien Thomas, je fais putain c'est bizarre. Oui mais c'était pas le même sentiment là. C'est vrai ce que dit Adrien. Parfois ça peut nous rendre comme ça. T'es attiré de manière irrésistible. Tu penses à la personne. Non mais j'avais l'impression, c'est comme s'il avait vécu la même chose et qu'on s'évitait. Enfin tu vois ce que je veux dire. Enfin c'est compliqué à expliquer comme sentiment. Justement Adrien, est-ce que toi t'as fait un rêve érotique de ouf? Non, bah, pas de ouf, mais ça m'est arrivé de rêver de coucher avec des gens avec qui j'aurais jamais pensé coucher. Et c'est perturbant parce que la journée, tu penses qu'à la personne. Et voilà, gens de la radio? Et tu les trouves beaux en plus après. Gens de la radio, c'est ça qui ça veut dire que je suis dégueulasse? Non, mais non. Mais gens de la radio, genre des gens qu'on connaît ou pas? Écoute, non, je crois pas. Ouais. Je crois pas. Non, je crois pas. D'accord. Non, mais mes souvenirs. Tu les trouves attirants après. Eh oui, c'est normal. Ouais, ça dure 24 heures. Hein. Ouais, voilà. Après, on passe à autre chose. On repart à zéro. C'est ton inconscient qui parle. Ouais, tout à fait. Voilà. Un jour, j'avais rêvé. Ah, bah si, j'ai rêvé de Emma Cakeup un jour. La youtubeuse. Ah, la youtubeuse. Remarque, elle est jolie, Emma. Ouais, elle est sympa. Elle est jolie. Et puis Emma, c'est vrai que comme elle est très libérée sexuellement, elle a annoncé sa bisexualité, tout ça, parfois ça nous travaille. Tu sais, on s'en rend pas compte, mais plus que quelqu'un qui parle jamais de cul, par exemple. Ouais. Du coup, on peut faire un rêve. Ouais, je vais lui dire. Bon, je savais pas qu'elle avait assumé sa bisexualité. Il va la tweeter, hashtag hot. Oui, c'est. Bon. Adrien Thomas est avec vous là jusqu'à 1h du mat pour Party Fun. Nous, on va vous retrouver demain soir en direct à partir de 22h et ce sera Zao qui sera notre invité dans l'émission. Ça va être canon. Ouais, on lui a réservé plein de surprises à Zao et j'aimerais juste faire un bisou à Gaëtan qui est venu nous voir ce soir. Il est venu de loin, il est hyper sympa, il est flic. Bisous, mon pote, merci d'être venu. Y a pas de souci. Bisous. T'as Big kiffé up, Ah, j'adore. Ah bah écoute, tu reviens quand tu veux et bisous la police, on vous aime la police. Big up à, comment il s'appelle, Mich-Mich et le Bleu. Mich-Mich et le Bleu. Allez les gars. Et encore un bon anniversaire à petit homme de l'espace. Merci. Zao sera donc notre invité. Vous retrouvez Bruno dans la radio pour vous réveiller demain matin entre 6h et 9h. Ah oui madame. Et nous évidemment, on va se quitter en chanson. Est-ce qu'on était contents d'être là? Bien sûr. On était contents d'être là. Merci beaucoup. Fun. Welcome to the biggest club in France. Bonsoir et bienvenue sur Fun Radio, on est en direct, minuit 4, Party Fun, jusqu'à 1h du matin, c'est Adrien Thomas ce soir pour choisir le son, alors on va le dire direct, vous pouvez nous passer un coup de fil, vous savez comment ça marche, vous laissez votre numéro de téléphone sur la page Party Fun, tout simplement, en message privé évidemment, vous le balancez pas sur le mur, vous êtes pas con, non. Hein. Et puis on vous rappelle, c'est gratos, et vous choisissez un son avec moi, avant 1h du matin, vous nous racontez un peu votre vie, parce que la nuit, il y a plein de gens qui font des trucs qu'on soupçonne pas. C'est vrai. Il y a des gens qui font des rêves bizarres, érotiques et tout. Il y a des gens qui bossent surtout, on les embrasse. C'est vrai, on pense très fort à eux. Et bien, si vous voulez vous faire plaisir, allez-y. 3-2-2-8 ou alors donc la page Facebook Party Fun. Allez-y sur Facebook. Hein, donc c'est une page Facebook, donc évidemment. Tout ce qui est Facebook. Voilà, c'est ça, finalement. Tout ce qui est communication. Orlinski et Eva Simons avant 1h du mat avec Heartbeat. Et alors, je sais pas vous, mais moi j'adore Calvin Harris My Way. Ah, moi aussi. Je l'adore. J'étais encore en train de faire du sport tout à l'heure parce que je vais à la salle. Et donc, j'ai écouté le titre. Je l'ai écouté 2-3 fois. J'ai kiffé de fou. Attends, juste Adrien, comment on fait pour communiquer avec toi? Facebook, il me semble. Sur la page Facebook, tout simplement. Voilà. Ou alors, vous m'envoyez un tweet sur Twitter. Ou en snap sur Snapchat, hein, finalement. Hein, c'est aussi simple que ça. Allez, voici Kongs pour attaquer l'émission. Bisous et puis à demain. À demain, bisous.